Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. Le père d'aujourd'hui, à son âge, Ricky. Alicia Lemieux fera de son mieux pour sauver la planète dans sa chronique éco-responsable. Et Alfalfa le lutin luttera contre l'ennui en nous présentant un autre jeu de table. Assemblage Rookie commence tout de suite. Assemblage Rookie pour toi, aujourd'hui. Assemblage Rookie pour toi, aujourd'hui. Alors, ce lundi 4 décembre 2017, on est à 144 jours de la fin de l'année scolaire et je m'appelle Mathieu Plante. Tania Baudin n'est pas avec nous encore aujourd'hui. On attend de ses nouvelles. J'espère qu'elle n'est pas prise en quelque part, mais on va lui parler peut-être tout à l'heure. On verra. Pour l'instant, on est seul. C'est pas grave. On va se faire son foutu palmarès dans quelques instants. Plus tard, à 7h30, Alicia Lemieux, sa chronique éco-responsable. À 9h, Xavier Méclich et sa... je suis pas sûr que Xavier Méclich va être là aujourd'hui. Je sais qu'Alfalfa est supposé être là pour sa chronique Jeux de société et alcool. On va se faire aussi les instructions d'assemblage dans l'émission d'aujourd'hui. Comme j'ai dit, on commence avec son foutu palmarès, mais avant ça, une nouvelle entrée du palmarès francophone. Voici ce qu'on aimerait bien voir en ce moment, mais elles sont cachées et ou mortes. Voici Fleurs de ponctuation tout de suite. Assemblage requis sur C'est fou. Que t'as semé. Avec I Wanted dans les palmarès, c'est fou, oui, du côté anglophone, à Assemblage Requis. Maintenant, c'est son foutu palmarès. Oui, c'est la chronique qu'on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Aujourd'hui, on parle de termes médicaux fancy pour des choses que vous vivez tous les jours. On fait ça quand même simple aujourd'hui. Vos problèmes de santé, bon, peuvent être absolument inoffensifs, mais on peut les rendre un petit peu plus graves en leur donnant leur nom fancy médical. Simple quand même. Par exemple, si t'as la jambe qui s'endort, hein, tu sais, t'as comme une sensation de mollesse, de mollitude dans ta jambe ou dans ton bras, t'as dormi dessus, quelque chose comme ça. Ça s'appelle de l'obdormition. Et si c'est suivi d'une sensation de picotement, de chatouillement, ça s'appelle de la paresthésie. Paresthésie, on retient ça. Ensuite, quand on a un mal de tête, c'est un mal de tête, on peut appeler ça un sphénopalatine ganglioneurologie. Hein? On dit ça 5 fois, très rapidement, pour calmer la bouche et soulager le mal de tête. Je parle de mal de tête de crème glacée, j'avais oublié de préciser tantôt. Ensuite, quand t'as un muscle qui saute, qui sursaute un petit peu, tu sais là, ça te surprend, hein, ça te prend par surprise, tu vis de la fasciculation, qui vient du latin fasciculus. Hein? Ensuite, on a quand t'as une bosse sur le pied, une bosse molle, hein? Là, ça s'appelle un eloma molle. Sinon, si c'est dur, c'est un eloma durum. Huh. Ensuite, quand t'as une bosse sur la langue, ça arrive, ça part d'être grand-chose, mais quand même, tu la sens comme si elle était énorme. Hein? Ça a un nom qui va avec. Transient lingual papillitis. De son nom en latin, encore une fois. Alors ensuite, quand tu as un ongle incarné, hein, il faut aller au grec cette fois-ci, c'est l'onico, cryptosis, pour un ongle caché. Mais si tu veux du latin, hein, dans ce cas-ci, c'est unguis incarnatus. Un ongle dans la peau. Ensuite, quand tu te mords l'intérieur de la joue, tu sais, des fois, moi ça m'arrive, je me mords l'intérieur de la joue, et pour ça, ça commence à guérir et je me remords dessus. Ça fait un petit bout que c'est pas arrivé, mais ça va revenir évidemment un jour. Ça s'appelle morsicatio buccarum. Morsicatio buccarum. Ensuite, quand t'as le hoquet, le diaphragme. Donc le hoquet, celui-là est en anglais. En anglais, synchronous diaphragmatic flutter. Ensuite, quand tu éternues, sternutate. Quand tu as l'œil qui bouge tout seul, encore une fois, ça va être du latin. J'essaie de voir lesquels sont en latin pour pouvoir vous les dire un petit peu plus facilement que ce soit en anglais. Pas pour moi, mais pour l'utilisation des mots. Il faut que ce soit le plus compliqué possible en latin, hein, sinon. Bref, si tu as les yeux qui sautent un petit peu, ça s'appelle musce volitantes. C'est le nom d'une mouche volante. Hein? Pas pire, ça? Donc, c'est des petites billes transparentes que tu vois devant toi, oui. Devant toi, quand tu portes vraiment attention. Ensuite, quand tu mouilles ton lit, hein? Ça s'appelle... là, c'est en anglais, celui-là. Nocturnal enuresis. Enuresis, voilà. Et ça, des accidents de pipi pendant la journée, c'est diurnal enuresis. Ensuite, quand tu te lèves debout et que tu as la tête qui tourne. Oui, c'est ça. On appelle ça orthostatic hypotension en anglais. Ensuite, quand tu as l'estomac qui gargouille, tu as des bruits dans l'estomac, ça s'appelle borborygmie. Borborygmie. Latin, celui-là, je crois. Ouais. Ensuite, bon, évidemment, là, on connaît la chair de poule, l'horripilation, on connaît ça. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire en latin, tiens? Quand tu as les jointures qui craquent, crépitus. Et quand tu as un lendemain de veille, hein, faut que tu expliques ça à ton patron, tu as une vessalgie. Un mot fancy, comme ça, voilà. Voilà pour les termes médicaux fancy qui vont avec vos petits problèmes de tous les jours. Continuons avec une autre thématique complètement, c'est la liste des animaux qui ont été emprisonnés ou encore arrêtés. Ah, les animaux sont des animaux, mais des fois, ils peuvent commettre des crimes. Ça arrive. Donc, commençons par le pigeon qui a été arrêté parce qu'on pensait qu'il faisait de l'espionnage. Ça s'est passé en 2015. Les gens en Inde, donc la police en Inde, oui, a arrêté un pigeon qu'on pensait être un espion. Son corps était étampé d'un message écrit en ourdou, qui est la langue officielle du Pakistan, et ce qui avait l'air d'être un numéro de téléphone pakistanais. Donc, il était atterri dans un village près de la frontière partagée avec le Pakistan, près de la région du Cachemire, réclamée par les deux pays, et qui a été le sujet de plusieurs guerres entre l'Inde et le Pakistan à partir de 1947. Il y a eu un cessez-le-feu en 1972. La situation en ce moment est que l'Inde contrôle 45% du Cachemire, alors que le Pakistan possède 35% et la Chine 20%, étant donné que les deux pays... donc le Cachemire et le Pakistan croient avoir le droit d'être dans les droits de cet endroit-là, oui. Fréquemment, c'est un site d'infiltration militaire. Donc lorsqu'un garçon de 14 ans a trouvé ce pigeon petit peu suspect si près du Cachemire, il l'a envoyé aux autorités. Et puis on l'a amené à un hôpital vétérinaire pour faire des rayons X. Ils n'ont pas réussi à trouver de preuves concrètes qu'il se passait quelque chose avec cet oiseau-là. Ils ont gardé l'oiseau avec eux, enregistrant le fait ou écrivant le fait que c'était un suspect espion dans les journaux de la police. Cela étant dit, c'est pas tout le monde qui a pris la nouvelle aussi au sérieux que la police indienne. Dans les jours suivant l'arrestation de l'oiseau, les médias sociaux pakistanais étaient remplis de mimes montrant donc cet oiseau en tant qu'agent espion 007 style. Et ça amusait bien des gens avec des hashtags comme pigeon versus Inde et si j'étais un pigeon, if I were a pigeon. Ensuite, un castor qui a été appréhendé pour avoir détruit une session de magasinage de Noël. Ça s'est passé en décembre 2016. Un castor sauvage qui a dû décider que les arbres de sa forêt n'étaient pas assez festifs parce qu'il est entré dans un magasin à 1$ à St. Mary's County, dans le Maryland, pour aller voir les arbres de Noël et les décorations. Les travailleurs ont remarqué que l'animal mettait ses pattes sur les affaires et lançait des trucs par terre. On a appelé le bureau du shérif de St. Mary's County. Le capitaine Yingling, super pour une arrestation à Noël, Yingling, du bureau du shérif, est arrivé sur la scène pour empêcher ce castor de gâcher le reste du magasin. Il a essayé de quitter la place, le castor, mais a été appréhendé par les contrôles animaliers, selon la page Facebook du département du shérif. À la place de permettre au castor de terminer son magasinage des fêtes, le shérif de St. Mary's County, oui, l'a donné un centre de réhabilitation des animaux sauvages. Et pour la police, ben, il disait que cet incident-là était juste une autre journée au travail. On sait jamais à quoi s'attendre, dit-il sur Facebook. Ensuite, un perroquet qui parle mal, oui, en Inde, qui a été arrêté pour avoir insulté la belle-mère de son propriétaire. Ça se passe en 2015 à la police de l'État indien de Maharashtra. Donc, on a enseigné une petite leçon à ce méchant petit perroquet nommé Arial, une leçon de politesse, bien sûr, après l'avoir arrêté parce qu'il parlait mal. Il utilisait des mauvais mots à une femme âgée nommée Jinabai. Selon les personnes qui habitent là-bas, l'animal de compagnie a ramassé cette habitude-là de du beau-fils de Janabi, Suresh Sakarkar. Les deux donc se chicanaient souvent et donc apparemment que le deuxième, donc ce serait quoi, le beau-fils, oui, a passé une partie une partie des deux précédentes années à essayer d'entraîner Arial à lancer des mots comme ça, aussitôt qu'il y avait de la chicane ou que quelqu'un passait devant chez lui. Bref, ça a escaladé, tout ça, ça a pris de l'ampleur et Janabi, Suresh et cet oiseau-là ont éventuellement été amenés à la station de police. La police qui devrait enquêter et saisir le perroquet, a dit la belle-mère à la chaîne de nouvelles indienne Z News. Cela étant dit, Arial doit savoir qu'elle avait de gros problèmes parce qu'elle n'arrêtait pas... C'est un mâle, je m'excuse. Il n'arrêtait pas, oui, de garder sa bouche fermée et ne pas parler devant la police. Ils disent la police avoir regardé, surveillé le perroquet et il n'y a pas dit un seul mot. Et à la place de mettre Arial en prison, on a donné le perroquet au département de la foresterie de Maharashtra, où il peut continuer de voler et de parler mal comme il veut pour le reste de sa vie. Ensuite, un écureuil qui a été arrêté pour avoir espionné, entre guillemets, une femme allemande. Alors qu'elle se promenait dans la rue de la ville de Bottrop, dans l'Allemagne de l'Ouest, en 2015, une femme a réalisé qu'elle attirait un espion ou quelqu'un derrière elle, un petit écureuil rouge. L'animal la pourchassait et agissait de façon agressive. Elle avait peur et est capable de quitter l'endroit. La femme a appelé la police. Les autorités ont capturé l'écureuil, l'ont arrêté et l'ont ramené à la station. Là, ils ont découvert qu'il souffrait d'épuisement. Oh, pauvre petit! La police a aidé à ramener l'écureuil à la santé en lui donnant du miel. Oui, et un porte-parole dit que l'écureuil allait être envoyé à un centre pour sauver les animaux à la place de le laisser dans sa cellule, bien sûr. Ensuite, les méchants singes en Inde qui ont été emprisonnés dans une prison pour singes. Ça s'est passé en 2004, donc un singe rebelle est devenu célèbre pour avoir terrorisé les résidents dans la ville de Patiala, dans la région de Punjab, en Inde. Le singe était coupable de plusieurs crimes. Il a volé de la nourriture dans des maisons, a déchiré ou enlevé les boutons des chemises des gens, menaçait des enfants avec des briques et même, une fois, a réussi à allumer une allumette. C'est ça? Ouais? Ou non, c'est ça. Non? Ah non, a volé un livre et une calculatrice. D'accord. Bref, pour l'empêcher de continuer de faire ça, les policiers l'ont amené à la prison pour singes, qui est un centre de détention maintenant fermé à Patiala, qui était réservé pour les primates qui se comportaient mal. C'était une opération ça, depuis 1996 jusqu'au milieu des années 2000. C'était situé dans le coin d'un zoo local. Donc, c'est une cellule de 15 pieds de large, sécurisée avec une clôture en chaîne. Et bref, il y avait une pancarte qui disait que ces singes-là avaient été attrapés dans différentes villes. Ils sont infâmes et s'approcher d'eux est dangereux. Oh. Ensuite, un chat qui a été détenu pour avoir aidé quelqu'un à s'évader de prison. C'est passé le jour du Nouvel An en 2013. Donc, un chat qui avait manigancé avec des prisonniers brésiliens pour sortir de prison, en tout cas essayer de communiquer avec des gens à l'extérieur. Le félin blanc se promenait entre les barreaux d'une prison à sécurité moyenne à Arapiraca, oui, une ville dans le nord-est du Brésil, lorsque les gardiens ont remarqué que son corps était enveloppé de papier collant. Ils ont appréhendé le chat, ils ont découvert qu'il transportait avec lui plusieurs choses, dont des drills, des scies, un écouteur, une carte mémoire, des batteries, un chargeur de téléphone cellulaire. L'officier de prison, Luis de Oliveira Sousa, a dit aux journalistes que le chat était entré et sorti de la prison plusieurs fois avant. Il avait été élevé donc par des prisonniers et souvent était amené dans les familles de ces prisonniers, absolument. Par contre, les officiers ne pouvaient pas comprendre qui, parmi les 263 prisonniers de la prison, avait essayé d'utiliser le félin pour leur cause. Difficile de savoir, étant donné que le chat ne parlera pas. Hein? On l'a amené à un centre de sauvetage d'animaux, encore une fois, pour le traiter médicalement parlant. Ensuite, un autre animal dans une prison. Un très gentil chien, nous dit-on, contrairement à certains animaux sur cette liste, Pep le chien était un très gentil chien. En 1924, le gouverneur de la Californie, Gifford Pinchot, aurait donné une sentence à ce labrador au poil foncé. On lui a donné comme sentence de passer sa vie en prison. Pep a été amené au Eastern State Penitentiary à Philadelphie où on lui a donné son propre numéro de prisonnier, sa propre photo, vous savez, les photos classiques de prisonniers. Les journalistes ont surnommé ce chien-là Pep the Cat Murdering Dog. Donc Pep, le chien qui tue des chats parce qu'il aurait tué présumément le chat de la femme du gouverneur. Et grâce au buzz dans les médias, Pep avait une réputation de bad boy. Hein? Après quelques années d'emprisonnement, la femme du gouverneur, Cornelia Pinchot, a dit la vérité dans une entrevue au New York Times. Finalement, Pep n'avait pas tué le félin de la famille, oui. Sa famille avait simplement élevé des labradors et était propriétaire de trop de chiens. Donc Pep était un cadeau aux prisonniers pour leur remonter le moral. Donc c'était comme une entourloupette pour leur donner un chien de le mettre en prison. Même si ça lui a donné une mauvaise réputation, je comprends pas trop, il aurait pu juste leur donner en tant que cadeau. Bref, les chercheurs disent que c'est les journalistes partisans qui ont tordu les faits un petit peu et que Pep en fait était adoré en prison. et qui se promenait dans les corridors, était adoré de tous. Et pour sa sentence à vie, ben, apparemment que le Labrador est allé dans une nouvelle prison après ça et il est mort malheureusement. Il a été enterré sur le terrain de la prison. Sous le terrain, j'imagine. Hein? Finalement, un âne au Mexique qui a été mis en prison, lui aussi, c'était en 2008. Les policiers de l'État de l'État mexicain, oui, de Chiapas, la police donc a arrêté un âne nommé Blackie après qu'il ait mordu un homme sur la poitrine et botté un autre homme en essayant qui essaie de le sauver. Finalement, la police a appréhendé cet animal et l'a mis en prison. À partir de là, si quelqu'un, ouais, c'est ça, il dit ici. Genre au Mexique, dans leur état de Chiapas, si quelqu'un commet un crime, ils sont mis en prison, peu importe qui ils sont. Ouais. À la police a dit que l'âne allait rester derrière les barreaux jusqu'à ce que son propriétaire, Mauro Gutiérrez, paie les factures médicales des personnes blessées et le salaire pour les jours qu'ils ont manqué au travail. L'âne a servi 3 jours en prison et Gutiérrez a arrangé les choses après ça en payant les victimes de Blackie. Donc voilà, tout est bien qui finit bien dans cette liste sur les animaux qui sont allés en prison. Voilà, dans son foutu palmarès. On prend une pause. Au retour de la pause, Alicia Lemieux va être avec nous, va être avec moi aujourd'hui. De quoi tu nous parles tout à l'heure dans ta chronique éco-responsable, Alicia? Eh bien, je vous parle de personnes inspirantes qui nous inspirent au quotidien, qui nous aident à faire de petits gestes différents. Alors, je vais vous parler de ces personnes-là inspirantes. Génial. C'est tout à l'heure dans même pas 2 minutes. Assemblage requis, restez là. Pour toi, aujourd'hui. C'est fou! 89 ans. Bonjour à Assemblage requis en ce lundi 4 décembre 2017. Je m'appelle Mathieu Plante, Tania Baudin n'est pas avec nous ce matin. Et là, Alicia et moi, on se lançait des théories à savoir qu'est-ce qui peut lui être arrivé. Son Facebook Messenger dit qu'elle était active il y a 9 heures. Donc, on pense pas que ce soit un accident. Non, c'est ça. Hein, peut-être... ça me surprendrait qu'elle soit malade. En tout cas, on l'espère, ouais, qu'elle va bien. Donc, oui. Tania, on t'envoie des ondes positives, si tu nous entends. Absolument. C'est dans une bande de neige aussi, on t'en envoie. Ah, aussi. Mais comme je dis, elle aurait vérifié son Facebook avant de partir. Ouais, je pense aussi, Tania, que c'est quelqu'un d'assez ponctuel sur son Facebook, ouais, j'imagine. Hein? Absolument. Ouais. On n'a jamais eu aucun retard de sa part depuis 2 ans et quelques. Donc, on va lui dire à plus tard. À plus tard, Tania, oui. On se croise les doigts. mais pour l'instant, Alicia est avec nous, Alicia Lemieux, pour sa chronique éco-responsable, où on parle toujours de choses qui sont soit écologiques, responsables pour la planète, des trucs comme ça. Aujourd'hui, tu nous parles de personnes inspirantes. Ben oui, Mathieu. Écoute, c'est ça, je me disais, je réfléchissais à ma prochaine chronique, celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Puis je me disais, mon Dieu, est-ce que le sujet sur l'environnement peut être épuisable? Puis je me rends compte que non! Ben c'est non, inépuisable, jamais. Hein? Alors, quelle belle ressource que c'est notre belle nature. Alors oui, ben aujourd'hui je vous parle d'un côté un peu plus social à tout ça. Donc j'ai été fouiller un petit peu pour trouver des personnes du moins qui m'inspirent moi au quotidien avec leur militantisme, si je peux dire ça. Alors qui agissent pour un meilleur monde et qui désirent voir des changements sur notre planète. Et qui vont peut-être inspirer, oui, nos auditeurs. Si, ben on l'espère, tu sais, en ce lundi matin, 7h30, c'est bon moment pour bien commencer la semaine puis être inspiré par toutes ces belles personnes. On aime ça, c'est tellement beau. Alors, je commence ça à l'international. Alors, un personnage public important que tu connais sûrement. Alors, je parle de David Suzuki. Oui. Tu connais? Absolument. Alors oui, c'est un Canadien en fait, ouais, d'origine japonaise, mais qui est quand même né là, sur l'île de Vancouver là, en 1936. Alors c'est un scientifique généticien, mais également activiste environnemental de renommée internationale. Donc il a 81 ans aujourd'hui. Il a gradué d'une formation en biologie en 1958 du Collège Amherst au Massachusetts. Toujours de la misère à dire ça. Ouais. Bref. Beaucoup de syllabes. Puis il complète son doctorat en zoologie à l'Université de Chicago 3 ans plus tard. Suite de ça, il va débuter sa carrière comme enseignant au département de génétique à l'Université de la Colombie-Britannique. Puis il va apparaître à la télévision pour la première fois en 1970 dans son émission intitulée Suzuki on Science. C'est une émission pour enfants, en fait, qui expliquait les théories des sciences, tout ça. Donc, il y a toujours eu cette approche-là avec les enfants pour bien expliquer qu'est-ce que c'était les sciences. Vulgarisateur. Exactement, un excellent vulgarisateur. Puis, cette émission de télé-là va lui donner rapidement là, un titre de personnalité publique, donc va être après reconnu comme étant scientifique vulgarisateur. Ouais. Il crée ensuite sa série de radio Quirks and Quarks en 1975 et il va servir le Conseil des sciences du Canada, donc dans des études et tout ça pour faire la promotion. Ensuite, plusieurs collègues remettaient beaucoup en question la pertinence de sa participation publique aussi active. Et puis, pour lui, ça a toujours été très important, en fait, d'informer la population sur la science. Et il disait que ça permettrait de faire évoluer plus rapidement les recherches, puis ça enrichirait également la culture générale des gens. Alors, c'est toujours pour ça qu'il a décidé de vouloir parler au grand public et de ne pas garder ses théories pour lui-même. Alors, on dit que grâce à son charisme désarmant et sa facilité à vulgariser des théories scientifiques, il va participer à plusieurs documentaires sur les changements climatiques. C'est ça, des documentaires sur plusieurs documentaires qui ont passé entre autres à CBC, ouais. Exact, entre autres. Puis, il va passer donc de scientifique à diffuseur, puis ensuite à activiste environnemental. Donc, il va avoir tout fait ça dans sa vie. Puis, c'est ce qui va vraiment l'avoir comblé là, dans sa carrière. C'est en 1990 qu'il va fonder la fondation David Suzuki. Donc, c'est principalement pour ça, je crois, que les gens le connaissent bien. C'est une organisation sans but lucratif pan-canadienne qui vise à faire la promotion de solutions pour contrer les changements climatiques. Alors, le siège social est à Vancouver, puis il y a un point de service à Montréal, puis à Toronto. Il a reçu plusieurs mentions honorifiques telles que le Kalinga Prizes pour les écritures scientifiques remis par l'UNESCO, ainsi que le Right Livelihood Award, aussi connu comme étant le prix Nobel alternatif, remis pour reconnaître sa vision innovatrice et son travail pour la planète et l'humanité. Ah ouais, je savais pas qu'il y avait des off Nobel. Ouais, ben moi non plus. Nobel l'autre gala. L'autre gala, exactement. Tu sais, quand t'es pas assez là, t'es comme deuxième, là, mais bon, c'est quand même pas rien. Là, mieux que rien, ben oui. Quand tu dis, bravo, t'es reconnu pour ta vision innovatrice et ton progrès pour l'humanité. Oui. Yay! Yeah. Alors, oui, c'est quand même. Puis, c'est ça, donc la Fondation David Suzuki elle fonctionne toujours très bien aujourd'hui. Elle milite beaucoup là, sur trois points environ. Les trois principaux points, en fait, c'est les droits environnementaux. Alors, ils veulent que notre gouvernement canadien reconnaisse que l'environnement, ça fait partie d'un droit environnemental, de pouvoir avoir la nature dans un état sain. Il milite également pour les solutions climatiques, alors trouver des arrangements pour faire en sorte de diminuer nos CO2. Puis la biodiversité, donc s'assurer qu'on garde une belle biodiversité, que nos animaux restent en vie, etc. Ouais. Alors, j'ai mis trois points de ce que moi j'admire de cette personne-là. Alors, d'abord, c'est son intérêt et son désir de vouloir partager avec la communauté les connaissances scientifiques connues. Alors, souvent, je trouve qu'on est peu informé comme citoyen. On n'a pas tout le temps l'information. On sait qu'il y a des choses qui se parlent, il y a des choses qui se trouvent, mais on n'est pas toujours informé. Puis, lui permet justement de diffuser cette information-là pour qu'on soit en connaissance de fait puis qu'on puisse prendre des choix éclairés. Il rend ça intéressant aussi. Également. Ils vont pas sexe. Non, c'est ça. Puis, ça fait depuis 1970, puis j'écoutais une vieille vidéo de lui, puis c'était toujours aussi captivant de l'écouter. Là, il sait vraiment comment informer bien les gens. Qui a conservé également son point d'attache au Canada. Je trouve ça très intéressant parce qu'il aurait pu s'expatrier. Puis il a été un peu partout dans le monde pour faire la promotion, tout ça, mais il est quand même resté au Canada. Puis la Fondation est au Canada et œuvre principalement pour le Canada, mais également pour d'autres causes sociales mondiales. Donc ça, c'est très important. Puis, qui a utilisé également le pouvoir qu'il possédait pour faire changer les choses. Alors, tu sais, c'est important qu'on ait ces personnes-là qui ont un peu de notoriété puis qui peuvent faire bouger les choses puis qui n'ont pas peur de parler. Donc, c'est une des personnes qui a justement osé dire ce qu'il en était puis qui a décidé d'aller dans ce sens-là. Puis il disait, tu sais, on peut pas être ami de tout le monde, puis des fois, il faut prendre des choix. Puis moi, j'ai fait le choix de vouloir parler puis de dire la vérité. Donc. C'est ça, tu sais, c'est une des personnes ressources, une des icônes canadiennes que tu vas aller voir si, mettons, je sais pas, Trump se retire de l'accord du climat. Tu vas dire, hey David Suzuki, qu'est-ce que t'en penses? Puis il va dire la vraie vérité. Exact, c'est exact. Ça qu'on veut. Oui, puis il était intéressant. En plus, c'est que là, tu le regardes, t'es full captivé. Exactement. Donc, oui, c'est ça. Donc, il a fait les choses comme il pensait, puis ça lui a donné ce qu'on est aujourd'hui. Et voilà. Et puis, il nous donnait une petite citation que j'ai traduite en français. Alors, nous sommes dans une voiture géante qui se dirige vers un mur de briques et tout le monde discute de l'endroit où ils vont s'asseoir. Alors, ça fait quand même réfléchir en se disant qu'on est tous là un peu comme des poules perdues puis qu'on se rend pas trop compte d'où on s'en va, mais... Mais c'est ça, on discute de autre chose que la problématique en soi. Ouais. Et David Suzuki a rien à voir avec les thés non plus. C'est pas ses thés à lui, David Steve. Non, je croirais pas. Ben, du moins, il serait vraiment cool d'être en plus activiste puis d'avoir des thés, ça serait quand même... Il a manqué sa chance. Ça ou des motos, là, vu son nom. Ouais. Mais je pense que c'est en lien avec sa famille ou quelque chose. Ah oui, je pourrais pas dire, mais... Puis, il dit lui-même avoir deux inspirations qui l'ont inspiré toute sa vie. Donc, soit Rachel Carson, qui est une des premières biologistes à alerter la population dans les années 60 quant au changement climatique. Donc, elle faisait part là, du fait que les animaux étaient comme un peu en voie de disparition puis qu'on constatait des changements dans leur attitude. Donc ça l'a beaucoup inspiré. Et également Nelson Mandela, qui a lutté beaucoup pour les droits de l'homme et entre autres les droits de la planète, de la nature, de ce que nous ayons un environnement sain. Ouais. Alors, est-ce que c'est ce qui fait le tour pour David Suzuki à l'international? Mm-hmm. Un beau personnage. Ensuite de ça, d'un point de vue plus régional, provincial? Ouais, disons-le comme ça. Okay. Je parle du duo Saratoga. Est-ce que tu connais? Ah, musicalement parlant. Oui, musicalement parlant. Je connais un petit peu pour une pièce qu'on a jouée dans le palmarès, mais c'est pas mal tout. D'accord. Ouais. Bon, ben c'est ça, le duo Saratoga, en fait, c'est composé de Chantal Archambault puis de Michel-Olivier Gaz. Oui. C'est un duo musical. Chantal Archambault vient de l'Abitibi, puis M. Gaz, je pourrais pas dire, mais bref, c'est ça, ils font un duo depuis à peu près 3-4 ans. Puis, ils se sont donnés communément ensemble de travailler pour leur, autour de leur tournée pour avoir une tournée éco-responsable. Alors, de leur point de vue, ce qu'ils font, c'est qu'ils ils se promènent en tournée, puis leur objectif est d'un objectif zéro déchet. Alors, sur leur site web, on retrouve leur initiative. On peut retrouver, entre autres, le fait qu'ils apportent leur pleurs réutilisables, leurs gourdes, tout ça. Donc, ils essaient d'avoir tous ces outils-là en leur possession. Ils cassent pas leur guitare à la fin du spectacle non plus, ce qui est vraiment écologique. Non plus. Ouais, exactement. Ouais. Ça, c'est très important. Ben, je pense que ça, c'est un choix aussi économique, mais... Ouais, peut-être. Bref, c'est ça. Donc, ils essaient d'apporter tout ça parce qu'on sait qu'en tournée, ben, on boit beaucoup de café, on mange beaucoup dans les restaurants. Donc, ils ont toujours ça à portée de main pour éviter d'utiliser un plat jetable. Également, dans leurs produits promotionnels, ils ont fait un choix en conséquence de cet objectif-là, zéro déchet. Alors, ils vendent, entre autres, des mouchoirs utilisables dans dans leur merch. Alors, avec leur logo dessus et tout? Ouais, exactement. Puis je pense que c'est même brodé, là. Tu sais, c'est vraiment cute, là. Fait que eux autres, ils ont décidé de prendre ce virage-là, mm-hmm. Dans leur article promotionnel. Pour également limiter leurs dégâts dû à leur voyagement, ils utilisent une voiture compacte pour minimiser les GES tout en étant fortement impliqués avec l'association Action Boréale. Alors, l'organisation Action Boréale, c'est une organisation basée en Abitibi-Témiscamingue. Ça a été fondée, entre autres, par Richard Desjardins. Eux, $1 par album vendu, ainsi que la totalité des dons d'achat sur Bandcamp, sont versés à cette association-là. Pour justement lutter contre la déforestation de la forêt boréale, principalement en Abitibi, mais aussi dans tout le nord du Québec, là, dans ces forêts boréales-là qu'on connaît aujourd'hui. Ça fait entre autres rappel avec le film Erreur boréale, est-ce que tu as déjà vu? Bon, donc c'est ça, c'est né de suite à ce film-là. Ils ont décidé de créer cette organisation-là, justement. Et ça dure encore aujourd'hui. Oui, exactement. Puis c'est vraiment des bons porte-parole. Puis je pense que Richard Desjardins, entre autres, leur a fait une mention d'honneur en disant qu'il était très fier qu'il fasse la promotion, tout ça. Donc, voilà. Et puis, Chantal Archambault est également blogueuse pour le blog Les Trappeuses. Alors, c'est un blog qui donne des trucs et conseils pour faire ses propres trucs naturels, limiter les déchets, etc. Donc, elle est impliquée également dans ce blog-là. Donc, ce que moi, j'admire de ce duo-là, c'est le fait que c'est un des premiers groupes de musique québécois que je vois parler autant de leur initiative puis d'en faire la promotion. Donc, ils en parlent beaucoup quand ils se promènent. T'sais, on voit autre chose que le fait qu'ils sont en tournée, ils parlent du fait qu'ils ont leur truc, donc ils en font la promotion, puis c'est intéressant parce que ça donne un autre volet que c'est pas parce que t'es musicien que tu peux juste faire ça, t'as le droit d'ajouter des branches à ton arbre puis de faire en sorte que tu minimises ton impact. Également, comme artistes qui ont une certaine visibilité puis une notoriété, ben ça leur permet de mettre en lumière de belles initiatives lors de leur passage dans certains festivals. Donc, si tu veux être leur ami, ben tu peux avoir un bon push promo de ton festival en ayant une belle initiative qu'eux vont pousser par après. Puis, fait que c'est intéressant de savoir que tu les reçois puis de dire, hey, on va les impressionner avec quelque chose de bien éco-responsable. Ouais. Puis, leurs initiatives sont simples, mais ils les respectent, puis ça fait déjà une belle différence. Donc, juste le fait qu'eux décident de prendre ça en charge, ben on voit la différence que ça peut apporter. Petit peu par petit peu. Hein? Exactement. Puis au niveau très local, alors je parle en Mauricie, même à Trois-Rivières, je parle de Joëlle Carl. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non, je crois pas. Alors, Joëlle Carl est très impliquée. C'est une citoyenne trifluvienne engagée qui est impliquée de différentes manières, en fait, en Mauricie, pour favoriser un mode de vie plus sain, actif, puis en accord avec l'environnement. Alors, elle est, entre autres, chroniqueuse écolo à 360 PM. Mm. Donc, elle fait ce volet-là. Donc, un peu comme je vous parle ici, elle s'est fou, mais elle fait plus quotidiennement un petit peu. Puis pour le MAC 2000, elle est en fait, elle est nouvellement cofondatrice d'un nouvel OBNL, La Brouette. Alors, c'est un organisme, en fait, qui vise à faire la promotion de l'agriculture urbaine. Alors, ils ont des services et des produits pour le démarrage de potager urbain. Donc, ça peut être une entreprise qui les contacte, qui dit « je voudrais avoir mon potager urbain, puis que mes employés puissent se servir durant tout l'été » ou « peu importe, ils sont vraiment là pour faire ça ». Elle est également membre responsable du regroupement Les Incroyables Comestibles, qu'on retrouve entre autres au centre-ville, les gros barils, tout ça. Donc, elle est responsable de ça. C'est elle qui a aidé à démarrer ce projet-là. Elle est également co-responsable du projet Nourrir à Trois-Rivières. Je vous en avais parlé, je crois, une fois lors de ma chronique. Alors, Nourrir, qui est un fournisseur de produits en vrac. Alors, c'est possible d'acheter nos produits en vrac à partir de ce point de service-là. Donc, elle en fait également partie. Comme autre implication bénévole, elle est également membre du comité jeunesse, du comité de solidarité de Trois-Rivières. Alors, c'est un comité qui œuvre beaucoup pour l'environnement, mais qui offre aussi des stages à l'international pour faire du bénévolat, tout ça. Donc, elle est également impliquée à l'intérieur de cette organisation-là. Et les vice-présidentes du groupe d'action équitaire, alors en Mauricie, alors elle fait partie également de ça. Donc, on voit vraiment le large éventail de tout ce qu'elle est impliquée à tous les niveaux, au niveau de l'environnement puis du zéro déchet. Elle est d'ailleurs elle-même engagée dans une démarche zéro déchet. Puis c'est une figure très présente là, dans toutes les multiples initiatives mises en place là, au niveau du zéro déchet. Puis en agriculture urbaine en Mauricie. Elle gère également le groupe Facebook Zéro déchet Mauricie Centre du Québec. Alors vraiment, elle est impliquée de tous les côtés à ce niveau-là. C'est pour ça que je l'ai choisie. Elle donne plus pour compenser pour ceux qui se donnent pas du tout. Ouais, peut-être un peu, sûrement. Mais c'est ça, en fait, que moi, je trouve intéressant, c'est qu'elle a choisi de faire ce choix-là personnel pour elle en disant, moi, je veux arriver à cet objectif-là. Mais en plus de ça, je vais essayer d'encourager les autres à le faire. Puis elle a comme dédié un peu sa carrière à tout ça, donc elle est vraiment impliquée. Puis elle est quand même jeune encore, donc elle a plein, justement, La Brouette, c'est tout nouveau. Donc elle a lancé ça, puis elle est encore dans plein d'autres projets. Donc elle a les connaissances également. Elle a été suivre des cours en agriculture urbaine un peu partout, à Montréal, Québec, Belgique, donc elle a vraiment un peu de tout ça. Elle est également très innovatrice, donc tout ce que La Brouette, c'est une nouvelle initiative, c'est né d'un peu des Incroyables Comestibles, mais l'objectif, l'idée est quand même intéressante, donc on voit qu'elle, c'est ça, elle se dédie complètement à ça. Puis, elle fait ce qu'elle peut à l'échelle qu'elle peut. Donc, au lieu de se dire on veut tous être des David Suzuki, on ne pourra pas être tous des David Suzuki. Non, c'est ça. Mais on peut quand même essayer de faire un petit pas ici et là. Exactement, à l'UQTR, devenir porte-parole. Donc, c'est ça. Donc, en ce qui concerne au niveau local. Puis toi, Mathieu, est-ce que tu connais des gens inspirants qui t'inspirent au quotidien? Colin, je pensais, tantôt tu me parlais de David Suzuki qui faisait une émission pour enfants à ses débuts, ça me rappelait un petit peu Bill Nye, je sais pas si tu connais, il y a une émission sur Netflix, une espèce de professeur fou, là, mais qui fait des expériences de science puis qui parle justement d'environnement puis de la planète, donc je pense que je dirais Bill Nye. Ah, mais c'est dommage intéressant, ouais, je garde cette référence-là. Ouais, Bill Nye Saves the World sur Netflix, ça t'intéresse? C'est super, ben oui, je pense que c'est des belles inspirations, ouais. Tant pour les enfants qui vont devenir des jeunes adultes bientôt, qui vont devoir se responsabiliser, qui se responsabilise déjà, je crois. Donc oui, c'est très intéressant. Sinon, sur Twitter et Facebook, suivre Neil deGrasse Tyson, un autre, lui c'est plus espace, vie, histoire de l'humanité, des trucs comme ça, je l'aime bien lui aussi. Il y en a plein de monde demain. Ben ça oui. Pourrait nous établir des listes comme ça une fois par mois. On pourrait. N'importe on quoi. Pourrait. Non, mais tu sais, des fois, c'est ça, non, mais tu sais. On s'inspire de qui on peut, puis de qui on voit, puis de qui... Exactement. C'est bon, c'est une bonne affaire de penser à qui nous inspire dans la vie. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça nous donne de beaux des beaux objectifs. T'es bonne, Alicia. Ah, mais merci. Est-ce qu'on se retrouve dans deux semaines, comme toujours? Ben oui. Est-ce que notre programmation va toujours avoir lieu? Je crois qu'il nous reste encore une dernière. Ouais, le web. Ah, on va c'est être super. Bon. Ben oui, on se revoit dans deux semaines. Génial. Merci, Alicia Lemieux. Merci à toi. C'est les lundis matins aux deux semaines à partir de 7h30. On a parlé de Saratoga tantôt, donc on n'a pas le choix. On va entendre leur seule unique pièce du palmarès francophone. Assez fou. Donc voici Saratoga avec Danser lent. Quand tu vois que j'ai pas les mots pour toi, quand tu vois que je choke et baisse les bras, je me dessine encore. Avec Danser lent dans Assemblage requis. Et maintenant, la voici, la voilà, Tania Baudin qui est de retour avec nous. Hey, bon matin. Salut Tania. Ça va bien? Oui, ça va bien. Finalement, toi, ça va? Ça va peut-être ce matin, mais raconte-nous ça va. Raconte-nous ton histoire. D'accord. J'ai égaré mon téléphone cellulaire cette fin de semaine. C'est vrai? Ah ben, raconte-nous cette histoire-là aussi, tant qu'à faire. Commence par le commencement. On a du temps en masse aujourd'hui. J'ai égaré mon sac. Ouais. Alors, malheureusement, je n'ai plus rien. Autobus, hein, c'est exactement. Ça? Exactement. Ouais. Et j'ai plus mon téléphone cellulaire, mais ce qui fait que mon téléphone cellulaire était mon alarme le matin. Oui. Alors, j'ai fait une adulte de moi et j'ai pris ce que j'avais comme argent comptant sur moi. Oui, et j'ai été acheter un cadran cette fin de semaine. Hier soir, je l'ai bien programmé pour que ça puisse sonner ce matin à 5h moins quart. Et tu dis qu'il n'y a pas de sélection du AM/PM, c'est juste l'heure à laquelle tu programmes. Fait que si tu veux que ça soit programmé pour le 1h de soir, il faut que ce soit 1h de soir pour pouvoir le programmer sur un PM. Non, il faut que ce soit l'heure à la plus près à laquelle tu es présentement. Mettons, moi, hier, je l'ai programmé à 10h30. Ouais. J'ai programmé pour 4h45. Donc, automatiquement, ça allait sonner à 4h45 le matin. Mais ça veut dire que tu n'as pas le droit de programmer ton cadran avant 4h45 PM. Parce que ça va sonner le PM. Faut que tu le fasses après 4h45 PM pour pouvoir le faire. C'est ça. C'est ridicule. Exact. Le cadran n'a qu'une seule fonctionnalité. Oui. Mais ça, c'est ça, de sonner à... Écoute, ça a peut-être été là mon erreur de prendre le mauvais cadran. Ben moi, j'irais me faire rembourser si c'est le cas. Hein? Mais du moins, ça n'a pas sonné ce matin. Ouais. L'alarme n'est jamais partie. Mais tu t'es réveillée d'un sursaut incroyable. D'un sursaut incroyable. j'ai senti à l'intérieur de moi que je devais déjà être debout. J'ai eu un feeling. Tu feels plus tard que 5 heures, mettons, dans ta tête, c'est ça, à ce moment-là? Je sais pas. Je me suis réveillée, j'ai regardé le cadran, il était 7h30. Et là, t'es là, puis il est même pas encore 8h, donc t'as vraiment fait ça vite. Hein? J'ai sauté dans mes pantalons, dans mon chandail, et je me suis endormie. Je suis même pas maquillée, là. Tu t'es dit pour la cause, non, c'est ça, les lunettes viennent un petit peu masquer, là. Exactement. je me suis dit, si au moins, j'ai essayé de masquer ça. Pour détourner l'attention un petit peu. Exact. Et bref, perdre ton portefeuille et ton cellulaire dans l'autobus, faut le faire quand même. Ouais. Lâchez pas les affaires de vos mains, t'sais. Non, c'est ça. Ou au pire, laissez-les dans vos manteaux, faites pas comme moi et les déposez à côté de vous pour pouvoir dormir. Parce que c'est pas juste une question d'annuler des comptes en banque, c'est une question que t'as pas de carte pour la job, t'as pas, évidemment, peut-être qu'il y avait de l'argent dedans. Ouais. Ouais, c'est ça. Des photos de tes neveux et tes nièces. Exactement. Ouais. Ah, c'est pas le fun. Ton téléphone, c'est encore pire. Ton téléphone, ça veut dire qu'il faut que tu en aies un autre, là, pour voir si t'en achètes un. Je ne paierai pas avec quelle carte. C'est ça, il va falloir t'attendre à recevoir des nouvelles. Exactement, je vais devoir aller faire un petit tour à la banque. C'est ça, mais tu peux sûrement emprunter un cellulaire à quelqu'un. C'est ce que j'ai fait, moi, quand j'ai perdu mon ancien. Oui. J'ai pas perdu. Non, bref, je l'ai changé contre un plus récent. Merci, Tania, pour ton histoire. Hey, ça fait plaisir. Moins compliqué qu'on aurait pensé, mais ça nous a rempli un petit 3 minutes. Donc ça nous fait du bien. On écoute une autre pièce. Cette fois-ci, on y va avec justement ce que tu ne pourras pas faire. Si quelqu'un te pose cette question-là, tu vas devoir répondre « Non, je ne peux pas ». OK. C'est par la formation « Allez, c'est moi, voici. Filme-moi. » Non, je peux pas. Je peux pas. Vous êtes Assemblage Requis. Thank you. Allez, c'est moi avec Filme-moi sur ta vidéocam. Oh. Oui. On prend une pause au retour. Entre autres, les parleurs assez fous plus tard. Xavier McLeish et les esprits d'assemblage. Peut-être une chronique de toi si tu vas bien. Ben oui, Ah ouais, aujourd'hui. Vous êtes assez fou. 89.1. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Ce lundi 4 décembre 2017, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oh oui, nous revoilà à la normale. Eh oui. Dans quelques instants, on va faire le bloc des palmarès si fous. Mm-hmm. Et aujourd'hui, ce sera le C'était fou de la semaine. Donc on va retourner dans le passé, en 2004 en fait. Donc ce sera tantôt. Mais avant ça, une nouvelle entrée du palmarès anglophone de en ce moment-là, right now. Présentement. Oui, c'est par Hot Trash. Oh hein? Boy, OK. Ah, ça commence bien le matin, ça, des poubelles très chaudes. Mm-hmm. Voici One More Chance sur C'est fou. Give me one more chance. Hot Trash. One More Chance, oui, Hot Trash. Ça me fait rire, mais c'est comme ça, on va devoir s'habituer à Hot Trash. Maintenant, dans Assemblage Requis, c'est le moment du bloc des palmarès, ça, c'est fou. Les palmarès, c'est fou, donc à chaque fois qu'on se voit, on se fait une chronique des palmarès, c'est fou, c'est-à-dire de musique, que ce soit récent, futuriste, dans le passé. On essaie de ratisser large avec tout ça, et aujourd'hui, ben, on retourne dans le passé, en fait, on retourne en 2004 pour aller entendre nos numéro 1 francophones et anglophones, donc des pièces qui proviennent de cette année-là dans l'histoire de C'est fou, parce que c'est le 20e anniversaire en ce moment. Oui. Donc quoi de mieux que de, d'écouter de la vieille musique? De la vieille musique de 2004! De 2004! Donc on l'entendra plus tard. Un classique de The Stills, Logic Will Break Your Heart, sur l'album The Still and Love Song. Mais on débute avec Lu-J. Voici Mosh Pit avec ouvert au, sur l'album Ouvert au bout dans le bloc. C'était fou. Ouh. Le bloc C'était fou pour cette semaine. On vient d'entendre The Stills avec Logic Will Break Your Heart sur l'album The Still In Love Song. Et avant ça, en francophone, Ludge avec Mosh Pit sur l'album Ouvert au Bout. C'était les deux numéros 1 de l'année 2004. Alors qu'on célèbre le 20e anniversaire de Sifu, on a commencé par le début, puis on avance tranquillement, pas vite, de semaine en semaine. On va finir par se rendre dans le présent. Ben oui! Mais je suis pas sûr qu'on va faire l'année 2017 ou rendu en 2018. Quoique, ça pourrait être drôle. Ah, ça pourrait. Pas être drôle. On verra. Bref, on fait un bloc, c'était fou. Quand ça arrive dans les palmarès, c'est fou, à un moment donné, dans l'Assemblage de qui. C'est clair, ça? C'est comme une chronique dans une chronique dans une émission. C'est ça, exactement. C'est clair pour tout le monde, ça? Maintenant, Tania, c'est à toi. Maintenant que t'es arrivée, que t'es présente, que t'as eu le temps de te réveiller depuis tantôt, toi qui as eu un alarme qui a pas fonctionné. Oui. Bref, te v'là avec Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna do Tania. And she's gonna dream. Tania, tu devrais mettre ça comme alarme, ça te réveillerait bien, attends. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Dans ton futur téléphone cellulaire, tu vas devoir te racheter. C'est ça, exactement. Bref, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Je vais vous parler de quelque chose que la plupart des gens, gars comme filles, je dois le dire, trippent ces temps-ci. Je vous parle des cactus ce matin. Les gens trippent sur les cactus en ce moment? Quoi, t'as pas vu ça, toi? Tu m'apprends vraiment quelque chose. OK. Hein? Voilà, tu vis-tu dans une grotte, les quelque cactus, chose? Les cactus? Pourquoi les cactus? Ah, ben, c'est originaire des déserts américains, on le sait, des régions arides du globe mondial. Et le cactus, le cactus. C'est ça, c'est un engin masculin piquant, c'est ça? Aujourd'hui, ça fait partie quand même de notre quotidien. On le voit un peu partout. Il faut savoir que c'est extrêmement facile à entretenir, le cactus. Donc, ça serait une des raisons pour lesquelles les gens achètent les cactus au lieu des plantes normales que l'on connaît. Et c'est aussi très décoratif. Donc, c'est, comme je le disais tout à l'heure, ça fait l'objet d'un véritable engouement, que ce soit auprès des amateurs de plantes originales ou encore des collectionneurs de plantes. On suit pas les mêmes Instagram, toi et moi, je crois. Non, je penserais pas. Mais aujourd'hui, je vais essayer de vous aider un petit peu à savoir qu'est-ce qu'un cactus et vous apprendre quelque chose de nouveau par rapport à ça. Donc, la plupart des cactus, dévoilent... J'aime ça avec le mot, par contre. Ben oui, je vois bien ça. Ça a des épines. On pense que c'est menaçant. C'est quand même assez piquant. Il faut savoir avant tout qu'ils ont ces épines-là pour se protéger contre les ardeurs du soleil, le froid d'altitude ou encore les prédateurs qui sont trop entreprenants. Parce que bon, dans le sud des États-Unis, c'est pas nécessairement des bambis, là, on va se le dire. Des bambis, donc, exactement. Il y a des prédateurs qui peuvent s'agripper au pic et ça va favoriser la dissémination de l'espèce. Ah. Il faut savoir aussi que ces épines-là, c'est un organe vital de la plante. Donc, si jamais on décide de se procurer un cactus, allez surtout pas y couper, tu sais. Faut garder les épines sur le cactus. C'est comme un chat, hein? C'est comme y couper le coude. Ben, exactement. C'est essentiel. c'est essentiel, entre autres, pour capter l'eau. Commencer par l'arroser du matin aussi. Bon, c'est sûr que si vous l'avez à l'intérieur de votre maison, vous allez pas nécessairement avoir un cactus qui va attraper l'arroser du matin. Mais il faut savoir que c'est important de pas couper les pics malgré tout. Les cactus, c'est emblématique, comme je le disais tout à l'heure, du sud des États-Unis, du continent américain, plus particulièrement le Mexique, où les Aztèques les portaient en effigie sacrée, donc dans la vallée de Tehuacan, toujours au Mexique. C'est d'ailleurs considéré comme un des sites les plus riches du monde en termes de cactus. C'est là qu'on va trouver le plus grand nombre de cactus. Et leur apparition sur le continent européen remonte simplement au 16e siècle, avant la colonisation du Nouveau Monde. Donc, Christophe Colomb est arrivé, mais eux, ils sont arrivés bien avant Christophe Colomb. Les oiseaux migrateurs, en fait, auraient transporté des petites graines de cactus dans le monde entier et ça durant des milliers d'années. Donc, c'est pourquoi, oui, on peut en trouver un petit peu partout sur la planète, mais en temps normal, les cactus, c'est bel et bien du sud des États-Unis. C'est pas mondial en temps normal. C'est simplement que les oiseaux ont décidé d'aller picorer un petit peu partout et de ramener ça à la maison. Si certaines espèces produisent des fruits qui sont comestibles, bien les cactus ont quand même une particularité qui est de s'émanciper et de fleurir, attention, durant la nuit. Hein? Eh bien oui, c'est principalement la nuit en fait qu'on va être courtisé ou pollinisé par des insectes et des petits animaux comme les chauves-souris. Et c'est encore la nuit que le cactus au métabolisme acide va absorber le dioxyde de carbone. Donc on va pas nécessairement faire quelque chose de jour, mais la nuit, le cactus est très très productif. Et il y a de nombreuses espèces de cactus, il faut se le dire, là. On est courtisé pour les formes originales, voire même atypiques. C'est pourquoi aussi on y voit une certaine popularité ces temps-ci. C'est que cactus, c'est quand même assez unique. Un peu comme une plante, oui, mais ça amène quelque chose d'un petit peu mystérieux. Il y a certaines variétés, en fait, qu'on dit qui sont un petit peu monstrueuses. C'est un phénomène qui est expliqué par des mutations qui sont assez exceptionnelles. Donc, dans le jargon végétal, on parle de fasciation et de cristallisation. C'est tout simplement le fait qu'il y a eu un changement quelconque par rapport à l'ADN de la plante et les cactus vont justement se changer d'apparence un petit peu. Comme on le disait tout à l'heure, bien, ça gagne en popularité croissante, constante dans le siècle dernier. C'est un engouement assez planétaire qui est produit, surtout par rapport à des effets qui sont contradictoires parce qu'il y a des nouvelles espèces qui sont sans cesse en découverte, tandis que que d'autres sont même protégés ou s'éteignent. Donc, les cactus sont couverts par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage, ce qui empêche malheureusement pas les gens soit de les collectionner, donc d'en avoir des collectes massives et la destruction de leur habitat à cause de justement l'urbanisation. Donc, il n'y a rien qui les protège de tout ça. Mais sachez qu'ils sont quand même couverts par une convention sur le commerce. La culture du cactus s'est convoitée par de très nombreux collectionneurs, des gens aussi qui désirent avoir un cactus tout simplement à la maison. Donc, c'est également apprécié pour la simplicité de l'entretien. Mmh. Je le disais tout à l'heure, comme c'est né dans des régions qui sont un petit peu plus arides et qui sont beaucoup plus hostiles, bien, ce sont des plantes qui sont acquis de pouvoir et de résistance hors normes. C'est pourquoi la plupart du temps, on va en vouloir. C'est qu'on n'a pas besoin de faire d'un geste d'entretien avec un cactus. Ça demande vraiment pas d'entretien. On vous conseille toutefois de les installer dans un endroit qui va être assez adapté, qui va avoir de la terre à cactus et qui va être aussi près du soleil. C'est pas mal la seule chose que vous avez à faire comme entretien. T'as dit terre à cactus, comme dedans, il faut acheter une terre spécifiquement pour les cactus. Exactement, okay. Ça s'appelle des terreaux à cacter. Ah, baguette. Si jamais vous allez dans un centre de jardinage, bien, c'est probablement la place où vous voulez aller pour avoir de la terre qui va être adéquate pour votre petit cactus. Mais si on désire offrir un cactus, il y a quand même quelques trucs. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres aussi, sachez-le. Donc, le cactus qui appartient à la famille des Cactaceae, ça compte environ 2500 espèces qui sont réparties dans 90 genres. Et le mot cactus est emprunté au grec ancien cactos. Et ça désignait le chardon. On compte quand même 5 grands types de cactus. Les primitifs, les onponces, les colonnaires, les épiphytes à tige aplatie et les globuleux. Oh. Donc, si jamais vous vous rendez dans un centre de jardinage, bien, vous pouvez vous informer, vous pouvez discuter avec la personne qui va vous aider à faire l'achat de votre cactus. Et on distingue aussi plusieurs formes différentes de cactus. Tout à l'heure, on le disait, on a d'ailleurs les arborescents, les arbustifs, les aplatis, les colonnaires, les épiphytes retombants, les grimpants et les globulaires. Donc, vous avez un choix quand même assez très diversifié si vous désirez en faire un petit cadeau. Et environ 30% des espèces de cactus sont menacées d'extinction. Donc, sachez-le, prenez-le en considération quand même. C'est assez important de garder cet emblème-là. On le sait, c'est un emblème du sud des États-Unis, donc il ne faudrait pas nécessairement que ça disparaisse. Et il y a plus de 50% des espèces de cactus qui sont utilisées à des fins uniquement ornementales ou décoratives. Ouais. Donc, on voit la popularité qui monte de plus en plus. C'est pour certains, ça peut être inquiétant. Pour d'autres, pas tant. Mais il faut quand même garder en tête que si on fait juste acheter des cactus pour habiller sa maison ou son salon, bien, c'est sûr que ça en enlève un petit peu partout. Hein? Mmh. Fait qu'il faut garder ça en tête. Je suis tombée sur un article qui je trouvais quand même assez anodin. On a parlé d'aliments du futur à plusieurs reprises avec les insectes qui devraient devenir quand même une bonne source nutritive dans le futur. Eh bien, sachez que selon l'ONU, le cactus pourrait être un aliment d'avenir. Ah! Oui! En fait, l'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, oui, a publié un petit peu plus tôt le mois dernier un plaidoyer pour le cactus et plus précisément pour le modèle ou du moins l'espèce figuier de Barberie. C'est une plante d'avenir qui est quand même assez précieuse pour l'alimentation et le fourrage. Donc, alors que la plupart des cactus ne sont pas nécessairement comestibles, on s'entend là, allez pas manger votre cactus dans votre salon, les espèces Opuntia ont beaucoup à offrir, surtout si elles sont traitées comme une culture et non comme une mauvaise herbe. Donc, l'accent est mis en particulier sur les sous-espèces Opuntia, les ficus indica, donc le figuier de Barbarie, comme je disais tout à l'heure, dont l'endurance peut être quand même assez forte. Et avant, On parle de sécheresse dans le sud des États-Unis. On parle aussi d'une sécheresse qui a frappé le sud de Madagascar en 2015. Et le cactus s'est révélé être une source essentielle de nourriture, de fourrage et d'eau pour les populations locales et les animaux. Donc, pour appuyer son propos, justement, l'agence de l'ONU a publié un livre d'informations sur cette espèce-là en tant que telle, le figuier de barbarie, qui est accompagné d'astuces sur la meilleure manière d'exploiter les qualités culinaires de cette plante-là. Et face aux sécheresses, à la hausse des températures et à la dégradation des sols, la culture de cette espèce de cactus-là gagne un peu de terrain, peu à peu. On fait de plus en plus d'expériences, entre guillemets, si vous me le permettez, à savoir justement qu'est-ce qu'on peut faire avec cette plante-là. Et au Mexique, c'est la place où cette espèce de cactus est née. C'est là qu'on l'a vu la première fois. Sa consommation atteint 6,4 kg par an et par habitat. Donc, si on regarde du côté du Brésil, on a plus de 500 000 hectares de plantations de cactus, principalement pour le fourrage, et la plante est également cultivée en Afrique du Nord et en Éthiopie. Donc, en plus de fournir une source de nourriture, bien, ça stocke l'eau dans ses branches. C'est ce qui en fait un puits botanique qui est capable de fournir jusqu'à 180 tonnes d'eau par hectare, soit assez pour abreuver 5 vaches adultes pendant une sécheresse. Ah ouais. C'est énorme. On se dit que c'est excellent et les avantages s'arrêtent pas nécessairement juste là. Non. Le cactus améliore aussi la qualité des sols dans lesquels il va être. Donc, ça favorise la plantation d'orge. Ça pourrait même, selon des recherches qui ont été faites un petit peu plus tôt, ça pourrait aider à limiter les émissions de gaz à effet de serre en réduisant le méthanogenèse des ruminants lorsque c'est intégré à leur alimentation. Donc, la plante a quand même quelques limites. Il faut pas penser que ça va sauver la planète entière non plus. On supporte pas le gel. Ce qui fait en sorte qu'on peut provoquer des dégâts irréversibles. Et on n'aime pas non plus les trop fortes chaleurs. Donc, à partir de 30 degrés, sa croissance va commencer à ralentir. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est les recherches qui sont faites, le questionnement qu'on se pose par rapport à cette plante-là. Mais si jamais on arrive à voir de l'eau de cactus un jour, bien peut-être ça pourrait changer de l'eau de coconut. Ah! Voilà. C'est le fun. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Les cactus, je sais pas comment ça se fait que j'ai passé à côté de cette mode-là, j'avais pas vu ça. Pente. Mais je comprends pas comment t'as pas vu cactus. Ça. Cactus. Hey boy. Merci encore, Tania. Ça fait plaisir. Tania Zugolin, Tania, tous les matins à Assemblage requis. Alors, on prend une pause et au retour, on parle de gens qui font les choses pas correctes. Oh! Dans Après le crime. Aujourd'hui. C'est fou, 89. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Toujours à Assemblage requis en ce lundi 4 décembre 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oh oui. On a plein de nouvelles entrées dans les palmarès en ce moment, donc pourquoi ne pas aller en entendre une autre? On s'écoute du Papa Groove. Est-ce que ça dit quelque chose? Il me semble qu'on a oui, déjà entendu ça. Ça me dit vraiment quelque chose. C'est du Papa David Groove. Ferron qui devait nous en jouer. Ah, exactement. On écoute la pièce All of Us tout de suite à Assemblage. So rude. Why can't we stop now playing the fool? Let's bring it down today and leave our superstitions real far away. We want it no more the feeling of being caught in a race. We want it all on the same boat, the conflicts at bay. Oh, I wanna make this place. This vision should be what we all celebrate. We're in the vessel, hard to navigate. Where we're going? We went a long way. moon's face, loves its cyberspace. All together in this crazy race. Let's talk about it. Let's be frank about it. Everyone just go back, be dreamers, 'cause we all know it's crazy. What we have to do to leave a better trace. We are gonna get off this train. Let's bring it down today and keep those troublemakers real far away. Yeah, yeah, yeah. Oui, Papa Groove, on aime ça. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées. Pour ceux qui se rappellent pas, on dit slogan juste une fois par émission, nous autres, effectivement. Mm-hmm. Maintenant, c'est après le crime. Après le crime, c'est la collecte des gens qui font des choses répréhensibles, donc qui commettent des crimes et qui doivent bien souffrir des conséquences éventuellement. Commençons par une serveuse qui est accusée d'avoir volé presque 500 000 $ de la part de clients du restaurant. OK. Ouais, tu sais, être un régulier dans un restaurant, oui, bon, ça a ses avantages. La serveuse connaît ton nom, tu vas peut-être recevoir un dessert gratuit une fois de temps en temps. Mais pour une femme de New York, ça venait avec un assez grand désavantage. La serveuse avec laquelle elle était devenue amie, ouais, elle lui aurait volé 500 000 $. Aïe, aïe. Donc, c'est une femme de Brooklyn qui a été accusée de vol, vol d'identité et d'autres accusations pour avoir volé présumément 470 000 $. On a arrondi à 500 000, hein, sur une période de 5 ans d'une personne âgée qui est devenue amie. Bon. Pendant qu'elle travaillait dans un diner à Brooklyn. T'as été elle qui a mon téléphone? Non. T'as sa coche. Non, t'as pas de sacoche, hein? J'avais un sac, ouais. Un sac? Ouais. Avec son portefeuille et son téléphone pour ceux qui ne suivent pas. Bref, c'est l'acting Brooklyn District Attorney, donc procureur général par intérim, Eric Gonzalez, qui a annoncé les accusations, accusant donc la femme de 46 ans d'avoir passé des années à gagner la confiance de cette personne âgée-là, vulnérable veuve en passant, pour profiter d'elle c'est financièrement. C'est tout le temps comme ça. Je le sais bien, ça fait dur. Selon les accusations, donc, la serveuse a commencé à devenir amie, entre guillemets, avec la femme de 84 ans en 2002, alors qu'elle travaillait comme serveuse dans un restaurant que la personne âgée fréquentait. Pendant que la personne donnait la permission d'utiliser ben, à la femme sa carte de crédit pour de petits achats à une pharmacie, à l'épicerie, et là, tu sais, elle faisait faire ses commissions par la madame, tu comprends? Mm-hmm. Et puis ça a fini de fil en aiguille à devenir l'utilisation de carte de crédit pour autre chose. Entre juin 2012 et décembre 2016, la serveuse a volé plus de 200 000 $ en encaissant 75 chèques qui avaient été écrits à elle-même ou de l'argent sur le compte de banque de la femme. Chaque chèque contenait la signature forgée de la victime. Iiii! Et ensuite, entre mars 2013 et avril 2016, la serveuse aurait volé un autre 277 789$ en faisant des charges non autorisées sur la carte Mastercard Sears. Oh boy. Madame. Bref, il y a plein d'autres détails. On n'a pas besoin de dire chaque montant, là. Mais bref, elle est en prison avec une caution de 2,5 millions. Donc, impossibilité pour elle probablement de sortir de là. À moins que la personne âgée soit vraiment genre super. Ah, c'est mon ami, je veux la sortir de prison. Ouais. Je veux sortir 2,5 millions. Elle va être de retour à la cour le 6 décembre, donc dans quelques jours. Ensuite, on parle bien sûr de choses un petit peu lugubres une fois de temps en temps, et je me souviens là, je viens de m'en rappeler maintenant, là, mm-hmm. que je m'étais préparé un beau petit message, mais j'ai oublié de le jouer avant la chronique, ça aurait été le fun. Hein, mais... Ce long métrage est laissé au jugement du téléspectateur. Il renferme des scènes très violentes. Très violentes. Violente. Très violente. Donc, c'est un fils qui éclate le crâne de son père. OK. Qui tranche son pénis. Pardon? Et qui ensuite prend des selfies avec du sang partout sur lui. Ben voyons donc. Sympathique, hein? Un homme de Chicago qui a été arrêté pour le meurtre brutal de son père après avoir posté des selfies sur Facebook après la tuerie. My God. Carlton Edmondson, 26 ans, est accusé de meurtre et de mutilation de Carl Edmondson, 61 ans, dans la maison de son père à Chicago. Le père aurait apparemment essayé d'avoir un avis, pas un avis, mais une chose de non-fréquentation, là, un avis de non-fréquentation, bref, pour son fils depuis les derniers mois, en août et en octobre. Carlton a reçu donc un mandat de rester loin de son père le 20 novembre dernier. L'oncle de Carlton a dit à la police pendant la fin de semaine qu'il avait vu son neveu à l'intérieur de la maison de Carl et qu'il savait qu'il n'était pas supposé être là, étant donné l'avis de non-fréquentation et truc. Je me rappelle jamais du nom en français, mais c'est quelque chose de similaire à ça. Oui. Bref, l'homme de 26 ans a répondu à la porte lorsque la police est arrivée. Il leur a dit que son père était à l'hôpital. La police a cherché dans la maison, a trouvé le corps de Carl en bas des escaliers, dans le sous-sol. Son crâne était pété. Il y avait du bon, le reste, ça va aller. Et son engin masculin avait été coupé aussi. Ça parle de ça un petit peu. Mais voyons. Il y a des affaires un petit peu dégueulasses. Bref, on dit que le père est mort de plusieurs blessures étant donné la violence que son fils lui a fait vivre, selon le bureau de la personne là, qui fait les examens médicaux. La prosecution, les maudits termes légaux que j'ai de la misère avec ça, m'a dit que Carlton a donc posté la photo sur Facebook après avoir tué son père. Le manteau qu'il portait dans les photos était rempli de sang. La police a trouvé le manteau sur la scène du crime et le juge a demandé donc... on dit que c'est ça, on lui a lu ses accusations et ça indique qu'il était arrêté 5 jours avant le meurtre de son père après avoir lancé une brique à travers la fenêtre de la maison de son père. Franchement. Wow. Et présentement, Carlton est retenu sans caution. Sans possibilité de pouvoir sortir, j'imagine. Ok, ouais. Caution. Ensuite, un mari jaloux qui frappe sa femme chaque fois qu'elle reçoit un like sur Facebook. Hein? Et la dévisage complètement. Oui, une femme battue, bien sûr, qui a eu à passer en chirurgie de reconstruction faciale après que son mari l'ait frappée au visage à chaque fois qu'elle recevait un like sur Facebook, selon le Irish Mirror. Les autorités ont réussi à sauver Adolfina Camelli Ortigoza, 21 ans, de Asunción, en Uruguay, après que son mari, qui a 32 ans, Pedro Heriberto Galeano, donc, l'a retenu contre son gré et l'a abusé physiquement régulièrement. Selon l'avocat de la victime, Galeano entrait dans une rage complète. Ouais, c'est ça. Quand sa femme recevait de l'attention sur sa page Facebook et commençait à la battre à chaque fois, donc en réaction à ses posts sur les réseaux sociaux. Allez pas trop voir les photos, ça fait vraiment peur. Franchement. Vraiment, que tu puisses autant frapper quelqu'un. Et autant la défigurer, ça n'a aucun sens. Le suspect est plus tard allé sur la page Facebook de Ortigoza et a commencé à poster des photos d'elle même. Donc, on parle du gars qui postait des photos d'elle. Et à chaque fois qu'elle recevait un like sur une des photos, le mari la frappait au visage, selon l'avocat de la victime. Son visage était complètement défiguré et presque méconnaissable, même, je dirais, pas mal méconnaissable. Mais oui. Le père du suspect éventuellement a stoolé son fils. Une chance. Ouais. Merci au père. C'est exactement ça. Après avoir pensé que la victime était proche de la mort après son plus récent coup au visage, les autorités ont arrêté Galeano et donc ils l'ont accusé d'avoir privé la liberté d'une personne, et fémicide, ça se dit ça? OK. Un fémicide? Je savais pas ça existait. Bref, il pourrait aller jusqu'à 30 ans de sentence en prison. Une selon Crime Online, wow, 30 ans. Ensuite, un homme qui essaie de payer une contravention de stationnement en utilisant des scènes noires, ça se passe aux États-Unis bien sûr, se fait attaquer par des officiers en cour et présumément s'est déféqué dessus. Hein? Ouais, c'est un homme du Michigan qui a été arrêté par des officiers en cour après avoir essayé de payer donc sa contravention en scène noire et ensuite ben, il s'est fait besoin dessus selon son avocat. Plutôt cette année, c'est Anthony Sevy donc, qui a reçu une contravention du département policier de Royal Oak en février. Donc il est entré dans la cour du 44e district de Royal Oak et a essayé de payer ces 10$-là lorsqu'il s'est fait dire qu'il avait à payer 1,75$ de plus pour... en raison d'utilisation de sa carte de crédit. Donc, il y avait un frais pour l'utilisation de la carte de crédit. Sevy est parti sans payer. Du temps passé, Sevy a réessayé. Il n'était pas très content des surcharges qui se faisaient donner. Et donc, symboliquement, il est entré dans la cour et a essayé de payer ça, encore une fois, avec des cents, comme on l'a dit tout à l'heure. La méthode de paiement n'a pas été très, très bien, reconnue par la cour. Et ensuite, il y a eu quelques échanges de mots. Il est reparti encore, Sevy. Et après ça, alors qu'il quittait la cour avec son dos aux officiers, l'officier de la cour a commencé à l'étouffer. Ouais, et l'a mis par terre. Monsieur Sevy est tombé dans les pommes et il s'est fait besoin dessus. Ah, OK. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Il y a une vidéo de surveillance dans l'intérieur de la cour qui a l'air de pas mal dire que c'est exactement ce que M. Sevy dit avoir vécu. Mon Dieu. Ouais, et la défécation sur lui-même n'est pas visible malheureusement dans la vidéo. Non, mais malheureusement, pas tant. Sevy a quand même été accusé d'avoir dérangé la paix et d'avoir violenté un officier de police. Et la deuxième accusation a été éventuellement abandonnée. Et bref, Sevy a plaidé seulement au premier chef. Selon on dit que selon l'avocat, le client prévoit poursuivre au niveau civil contre la ville et contre les officiers de cour qui ont participé à cette attaque-là. Voilà. Et on dit que c'est pas normal, tout ce qui s'est passé. Non, évidemment. C'est ça. Ensuite, un médecin de 84 ans qui perd sa licence après avoir refusé d'utiliser des ordinateurs. Oh, hey, oui, hein? Excusez. Qu'est-ce que t'as vu? Quelqu'un a retrouvé mon portefeuille. T'es sérieux? Oui. Génial. Ben, Colin, Tania... Félicitations. Quelqu'un que tu connais? Non, du tout. Bon, ben tant mieux. Je te laisse t'occuper de ça pendant qu'on parle de même. Les dernières 24 heures auront été très mouvementées pour notre ami Tania. Donc, après avoir... dans le New Hampshire, le Board of Medicine, on dit que Anna Konopka, 84 ans, a dû rendre sa licence médicale parce qu'elle a refusé de suivre les règles par rapport à la maintenance des dossiers, des fichiers. De façon informatique, il y avait aussi une question de ses pratiques de prescription et de ses décisions qu'elle prenait. Bref, selon le Washington Post, Konopka n'utilise pas d'ordinateur ni même de machine à écrire et elle choisissait de voir quelqu'un qui pouvait lui donner 50$ en argent. C'est ce qu'elle faisait. Donc, tu lui donnes 50$ puis elle te traite. Sa pratique recevait environ 25 patients par semaine. Le document de la cour montre que Konopka prescrit des médicaments à certains de ses patients, mais des fois laissait le dosage à la discrétion du patient. Non, oh, d'accord. OK. Dans un cas, elle a dit à des parents de décider les stéroïdes qu'ils devraient donner par inhalation à leur enfant, au singulier. Konopka disait que les parents n'écoutaient pas ses instructions. Mm-hmm, OK, pas sûr de ça. Merveilleux. Bref, les lois de l'État empêchent la discussion d'informations sur les enquêtes médicales, mais Konopka a reçu une plainte additionnelle après avoir rendu sa licence. Donc Konopka qui ne s'est pas adapté à la technologie, ça l'a fait officiellement violer les lois de l'État par rapport aux dossiers médicaux qui sont utilisés pour surveiller entre autres les opioïdes et des trucs comme ça. Bref, c'est quand même une histoire assez farfelue, tu sais. Oui, en effet. Voilà. Ensuite, continuons avec l'orteil manquant d'un homme recherché. Attends, je cherche. Cet orteil, on va le dire comme ça parce qu'il y a une liaison, cet orteil a permis à la police de capturer l'homme le plus recherché, donc pas des États-Unis, mais un des hommes les plus recherchés, qui aurait tué sa copine il y a plus d'une décennie. C'est un orteil. Un homme du Texas, donc il lui manquait un orteil, a été arrêté au Mexique après avoir été en cavale pendant 11 ans, accusé du meurtre de sa copine en 2006, selon le Houston Chronicle. Un homme de 52 ans, donc William Joseph Greer, et son orteil manquant sur son pied droit a aidé les autorités à l'identifier, à l'arrêter donc sur ce chef d'accusation de meurtre. Les médias ont parlé de l'orteil manquant de Greer en 2006 après la mort de Tammy Mary Esquivel, 28 ans. Greer qui aurait tué Esquivel dans leur maison de Houston au Texas, donc à ce moment-là, Greer a quitté la maison après la mort de sa copine, mais trois jours plus tard, la police a trouvé le suspect, à moitié nu, se promenant. Est-ce que c'est ça? Suspect? Oui, c'est le suspect, j'aurais pensé la victime, mais bref. à Cleveland, dans le Texas, après avoir eu un accident de voiture en buvant et en conduisant, bien évidemment. Il aurait confessé apparemment d'avoir tiré sur Esquivel dans la poitrine pendant une chicane. La police a arrêté le suspect pour intoxication en public. Ils l'ont laissé partir après ne pas avoir réussi à trouver assez de preuves, bref, pour pouvoir le garder avec eux par rapport à la mort de Esquivel. Bref, ils avaient la confession sur vidéo, mais pas de preuves, donc ils ont dû le laisser partir. Le 30 décembre, les deux fils de Esquivel, âgés de 9 ans et de 13 ans, ont dit aux détectives qu'ils avaient été témoins de Greer, qui aurait tiré comme dans le prendre par le bras ou quelque chose comme ça, tirer dessus. Bref, tirer la mère jusqu'à la chambre des maîtres, où le couple se serait chicané et aurait crié l'un sur l'autre. Après quelques minutes, le garçon a entendu un coup de fusil suivi par d'autres bruits, et le garçon a donné assez de preuves à la police pour obtenir un permis d'arrestation pour Greer. Qui était déjà parti en cavale. Il aurait caché présumément le corps de la victime qui n'avait toujours pas été trouvé à ce moment-là. Et là, récemment, la police a trouvé l'orteil. Pas l'orteil, mais l'homme à l'orteil manquant, oui, qui se promenait en scooter à Nacajuca, au Mexique, là où il vivait avec une femme et deux enfants. Selon les autorités, Greer, qui vivait sous un alias, était connu sous le nom de El Gringo pour les gens de la ville. Il parlait très bien espagnol, suggérant qu'il vivait au Mexique depuis plusieurs années. Greer est présentement donc avec les officiers mexicains à Mexico City, attendant donc d'être ramené au Texas. Et le suspect a été placé sur la liste des criminels les plus recherchés en 2016. Voilà. Ensuite, un criminel... allons-y avec celui-là, tiens. Un père qui reçoit une sentence de 5 ans en probation, après avoir imprégné sa fille de 11 ans, la forçant à avoir deux avortements. On rappelle que cette chronique... Et pour un public plus ou moins averti. Alors, c'est un homme de la Virginie-Occidentale qui a reçu une sentence de 5 ans en probation et 50 ans de supervision après avoir été trouvé coupable d'avoir imprégné sa fille de 11 ans et l'avoir forcé à se faire avorter. Michael Atkins a été arrêté en mars 2014 après que lui et sa femme aient arrangé deux avortements pour leur fille, pour sa fille, ça précise sa fille à lui, de 11 ans, donc à l'intérieur d'une période de 15 jours selon WSAZ. Atkins a été accusé de violence sexuelle, d'inceste, négligence d'enfants, intimidation, etc. Donc en septembre 2015, il a plaidé coupable au chef d'accusation d'inceste, oui. Ça faisait partie d'un plea deal, tu sais, où tu acceptes de te déclarer coupable toi-même pour avoir une sentence moindre. Bref, il a retiré son plaidoyer en mars 2016 après avoir appris qu'il allait peut-être avoir à passer du temps en prison pour ces accusations-là. Atkins croyait que tout ce qu'il aurait à faire serait de rester à la maison, mais le juge Al Ferguson a refusé d'accepter ça comme sentence. C'est ça. C'est va en prison, hein, ou rien d'autre. Bref, Atkins a reçu une sentence de probation et de supervision après que le cas ait été transféré à un nouveau juge, le juge Paul Farrell de Cabell County. Donc, a accepté ça. Atkins va aussi devoir aller en thérapie et s'enregistrer en tant que sex offender, donc violeur sexuel. Sa femme Amanda Atkins, qui est la belle-mère de la fille, a aussi été arrêtée en mars 2014. Atkins dit qu'elle avait arrangé l'avortement sans sa connaissance à lui, après avoir plaidé coupable de négligence d'enfant en 2015, qui était son autre accusation, d'intimidation de témoins et d'obstruction à la justice ou à un officier, ainsi que complot. Bref, toutes ces accusations-là ont été abandonnées, ces autres accusations, après qu'elle ait plaidé coupable pour négligence d'un enfant en 2015. Encore une fois, un autre plea deal. Donc, elle a reçu une sentence de 18 mois de probation et 10 ans, oui, de supervision. Ensuite, toujours pas d'accusation pour un chasseur illégal qui a tiré et tué une femme pensant qu'elle était un animal. OK. Ouais, les autorités ont l'arme maintenant utilisée dans cette fusillade, mais n'ont pas confisqué ses autres armes. Presque une semaine après qu'un tueur ait tué une... qu'un chasseur, oui, ait tué une femme dans l'État de New York, disant l'avoir pris pour, c'est quoi, Deer son orignal ou quelque chose comme ça, bref. La police n'a pas encore accusé l'homme, mais ils disent qu'il coopère avec les autorités. Comme Crime Online le dit, Rosemary Bilquist, 43 ans, a été tuée alors qu'elle promenait ses deux chiens. Thomas Judlowski, 34 ans, a admis avoir tiré dans sa direction, croyant qu'il était donc un orignal, quelque chose comme ça. Lorsqu'il a réalisé l'erreur, Judlowski se serait rendu jusqu'à la femme, aurait appelé le 911 et aurait appliqué de la pression sur sa plaie. Mais l'appel au 911 est arrivé environ 45 minutes après le coucher du soleil, alors que l'État a une loi contre la chasse après le coucher du soleil. OK. Mais quand même, on dit que Judlowski n'a toujours pas été accusé d'un crime. Le groupe One Pulse for America, c'est un groupe militant qui a été créé en réponse aux fusillades dans les boîtes de nuit, la boîte de nuit d'Orlando. Bref, a circulé une pétition demandant au procureur d'accuser Judlowski. Selon le Buffalo News, le district attorney Patrick Swanson considère des accusations contre Judlowski. Swanson a dit au journal qu'il allait rencontrer le bureau du shérif et le département de la conservation environnementale pour discuter de ce cas-là, mais qu'on ne savait pas encore si ça allait se rendre jusqu'à un grand jury. Bref, il dit qu'il faut qu'il y ait une leçon derrière ça. Bilquist n'était pas dit... c'est à peu près ça. Bref, finalement, pour les détails. Continuons avec une mère qui lance son bébé de 3 semaines... Pardon? ...sur son père. Ah. Après une chicane. Franchement? Ouais, je sais. Donc, c'est une mère de la Louisiane. Vas-y. J'allais faire un jugement vraiment beaucoup trop facile. C'est la chronique pour ça, non? Avoir son visage, ça me surprend pas. Bon. Il faut aller voir sur assemblagerequis.com. Je trouve qu'elle a l'air quand même de sympathique. Elle a l'air d'une... B-word. Ouais, c'est ça, exactement. D'une pas si gentille fille. D'une intimidatrice, d'une mean girl. D'une mean girl du secondaire. Donc, une mère de la Louisiane est derrière les barreaux après avoir présumément lancé son enfant de 3 semaines sur le père, en fait sur les pieds du père pendant une chicane. C'est Nola.com qui nous dit que Heidi Rios, 24 ans de Terrytown, a été amenée donc à la police après avoir présumément lancé ce garçon-là, ce qui a fracturé son crâne. C'est un enfant de 3 semaines, on se rappelle? 3 semaines? Selon le rapport d'arrestation obtenu par la chaîne de nouvelles, Rios a été accusé de cruauté à un enfant. Rios, qui nie avoir blessé le bébé, elle a dit aux officiers qu'elle ne tenait pas l'enfant dans ses mains avant l'incident et qu'elle ne savait pas comment il avait été blessé. Hein, il est sûrement tombé en même temps. Ouais, sûrement. Bref... À l'origine, Rios niait ça, mais le père du bébé, un deuxième témoin, a raconté une autre histoire. Le copain de Rios a dit qu'elle a lancé le bébé à ses pieds pendant que le couple se chicanait et elle a dit « Take your fucking son ». Il est là! Okay, prends ton fils, oui, avec ton d'autres fils. Mots. Ton foutu fils. Un autre témoin, entre guillemets, neutre, a dit avoir vu Rios tenir le bébé avant qu'il soit blessé. Et à ce point-là, Rios a dit que ça se peut qu'elle a peut-être échappé l'enfant, peut-être. Franchement. Elle a pas échappé, elle l'a garoché. C'est ça. Selon le rapport de la police, les médecins ont dit que l'enfant avait un os fracturé du crâne sur le côté. Les blessures ne sont pas menaçantes pour sa vie, même si le journal disait ne pas avoir d'informations sur la condition en ce moment du bébé, à savoir s'il était hospitalisé. On s'imagine que oui. Hmm. Bref, elle est encore avec la police en ce moment, en tout cas en date du 28 novembre. Continuons avec... Ça, c'est une histoire assez particulière de jumeaux diaboliques qu'on a tous vu dans des téléromans des Evil Twins, des jumeaux diaboliques. Donc, cette jumelle-là, en fait, qui aurait comploté pour tuer sa sœur identique. OK. Ça se passe dans le sud de la Californie. Une femme qui a été trouvée coupable de complot pour tuer sa jumelle identique dans les années 70. On l'a recommandée pour une probation après avoir passé presque deux décennies en prison, selon la police. Un cas qui a fait les grands titres au niveau international, c'est Gina Han, surnommée la jumelle diabolique par la police, qui a reçu une sentence de 26 ans en prison en mai 1998. Han et deux autres personnes ont été trouvées coupables de complot pour meurtre, de vol et autres. Donc le procureur a dit que le trio avait comploté dans un plan raté pour tuer Sonny Han, qui a été attaché et étouffé en même temps que sa coloc, avant que la police puisse les sauver. Ce sont donc des jumelles de la Corée qui allaient à une école secondaire de San Diego County. qui était déjà, qui avait déjà été très proche les deux, mais avait une historique quand même de chicane. Leur relation s'est détériorée quand Sonny Han a accusé sa sœur d'avoir volé sa voiture. Le Board of Parole de l'État, donc ça, c'est ceux qui acceptent que les gens quittent la prison pour aller en probation. Ben ouais. Bref, ils ont recommandé à ce que Gina Han, qui a maintenant 43 ans, après un procès le 31 octobre dernier, bon, qu'elle puisse sortir de prison. Selon la loi de la Californie, la décision inclut une période de probatoire de 120 jours pour que le gouverneur, Jerry Brown, puisse décider si on accepte ou pas la recommandation du Board of Parole. Bref, Gina Han dit qu'elle n'a jamais prévu tuer sa sœur. C'est ce qu'il ben dit. Non. Ouais. Hein? Mm-hmm. Ouais. Ensuite, on revient à des engins masculins. On parle d'une femme qui a tranché l'engin masculin voyons. D'un homme avec des ciseaux de jardinage. Ben là. Ça se passe en Argentine où la police a arrêté une femme et l'a accusée d'avoir tranché littéralement l'engin avec des cisailles, comme on l'appelle. Selon le New York Post, ça a commencé lorsque Brenda Baratini, 26 ans, a permis à Sergio, 40 ans, d'entrer dans sa maison. L'homme de 40 ans qui serait un ami du frère de Baratini. Selon l'avocat de la femme, Carlos Nayi, Sergio aurait essayé de commettre de la violence sexuelle envers Baratini, okay. Ce qui aurait mené à cet incident-là, selon Metro UK. Même si on dit, je cite, il n'y a pas de justification pour ce qui s'est passé. L'information qu'on a reçue, c'est que la victime, qu'elle avait été victime d'une attaque sexuelle, oui, l'a laissé entrer dans son appartement parce que quelqu'un parce que quelqu'un qui est dans un band de rock et qui est une connaissance de son frère. Bref. ça dit que à la place attends un peu ouais bah la sollicitation de quand dira-t-on okay, on dit ouais. Donc que l'avocat de Sergio Eduardo Perez a raconté une histoire différente par rapport à la violence sexuelle. Il dit que son client se reposait calmement quand Baratini a utilisé ses cisailles pour lui retirer son engin. Perez dit aussi que le duo avait une petite romance pendant un certain moment, donc peut-être que ça a eu un lien avec ça. On dit que la blessure de Sergio est très sérieuse et on note que la victime c'est ça. On note qu'on passe une batterie de test en ce moment à savoir si Baratini a été violé sexuellement. On va vous tenir au courant s'il y a des détails oui. Là-dessus. Ensuite, une mère est derrière les barreaux après que la police ait trouvé son bébé nouvellement né enterré sous son balcon. Pardon? Une femme de la Pennsylvanie a été arrêtée et accusée d'homicide criminel après que les autorités aient trouvé l'enfant né récemment mort sous le balcon de sa maison de Newcastle, selon CBS Pittsburgh. C'est Brittany Robinson, 23 ans, la mère du bébé, qui est accusée d'avoir enveloppé l'enfant dans un t-shirt noir et dans un sac de poubelle. Et l'avoir placé dans ce qu'on appelle le crawl space, c'est un petit espace où on ne peut pas vraiment pénétrer à moins de vraiment ramper, mm-hmm. Le nom crawl space, un petit endroit sous le balcon sur Elwood Road. Le père du suspect, a dit à la police qu'il se préparait à installer les lumières de Noël. Et pendant qu'il dirigeait les fils, il a remarqué un sac noir. Lorsqu'il a bougé le sac, il a réalisé qu'il avait l'air lourd. Il a regardé à l'intérieur du sac et il a vu l'enfant mort. Donc, il a composé le 911 immédiatement. Wow! Hein? Selon les autorités, Robinson a été amené à l'hôpital, donc UPMC Horizon Chenango Valley, à Farrell, après avoir eu des complications avec la naissance de son enfant. Donc, on parle de la mère ici, Robinson, pour ceux qui se rappellent pas. Donc, aussitôt que l'hôpital lui a donné son congé, la police l'a arrêté et après une courte entrevue, l'ont transféré à la prison de Lawrence County. Le bébé, qui était un garçon, en santé de 7 livres, il okay. est né vivant. Avant d'avoir été placé en dessous de la maison, donc on ne sait pas exactement comment il est mort, mais on dit qu'il était en santé avant que ça ait lieu. Ouais. Le père de Robinson et ses deux fils qui vivent tous dans la maison avec la suspect et un autre homme ont dit qu'ils n'avaient aucune idée même qu'elle était enceinte et certainement pas qu'elle avait caché un bébé en dessous de la maison. Et on a indiqué en fait à l'État de la Pennsylvanie que les femmes ont le droit légalement d'aller porter leur bébé non désiré à plusieurs endroits, entre autres chez les pompiers, chez la police ou à l'hôpital. Mm-hmm. Donc il n'y avait pas vraiment de raison en tant que telle, même si elle ne voulait pas se faire avorter ou rien au départ ou je sais pas trop quoi. La police note aussi que Robinson a un autre enfant, un garçon de... ça ne précise pas? Un garçon, non, entre un enfant de 8 ans qui ne vit pas avec elle. Et l'autopsie va bientôt déterminer la cause exacte de la mort de l'enfant. Il y a d'autres détails sur ce que Robinson dit elle-même qui s'est passé, mais bon, on va passer à autre chose. Elle avait des petits yeux diaboliques. Des petits yeux diaboliques. Ensuite, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est assez pour aujourd'hui. Ouais. C'est assez le crime. C'est assez le crime. Alors, on prend une pause parce qu'au retour, si tout va bien, Alfalfa le lutin va être ouh, là. Ouh, c'est vrai. Mm-hmm. Restez là. Aujourd'hui. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. 89. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Troisième heure de son lavoqui, on se lundi 4 décembre 2017, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, dans quelques instants, on va continuer ça avec Alfalfa le lutin! Oh, okay, oui! Parce qu'on est en décembre! On est en décembre, c'est son mois préféré, je crois. Je pense que oui, hein? En tout cas. Mais avant ça, on va sortir pour l'attirer, pour l'amener en studio. Je sais pas si ça fonctionne comme avec un Père Noël. Tu sais, le Père Noël, tu lui mets un biscuit. Ouais. Puis il vient, puis là, il mange des biscuits, il boit avec le verre de lait, évidemment. Ouais. Mais pour les lutins, j'imagine qu'il faut que tu sortes un petit biscuit. Peut-être, mais peut-être. Rappelle-toi qu'il s'occupe des bonbons. T'as raison, mais j'ai juste un petit biscuit. Fait qu'on va écouter petit biscuit avec Problems featuring Lido à son âge. Biscuit. Problems featuring Lido. C'est une nouvelle entrée du palmarès anglophone. Et oui, le nom du band, c'est Petite Biscuit. Petite Biscuit. Petite Biscuit. Vous êtes toujours à l'assemblage requis maintenant. Oh, j'ai hâte de l'entendre chanter. Une fois par semaine, on s'ouvre les oreilles pour la chronique d'Alfalfa Lutin. Alfalfa le lutin. Ah, c'est calme aujourd'hui. Ouais, hein, c'est pas, ouais, c'est pas aussi énergique. Pensé, ouais. Ouais, c'est parce qu'on est dans le rush. Ah oui. Et ouais, j'ai une annonce à faire en onde là. Non. Père Noël, il a décidé que c'était la dernière fois que je vais venir. Hein. Je comprends aussi. Ben oui. Ça va faire un gros bust. Je te présente 3 jeux. Oh, OK. OK, il commence par une mauvaise nouvelle, mais il veut pas qu'on réagisse, il commence directement sa chronique. C'est ça, exactement. Non. Okay. J'ai dit, c'est ça, on est dans le rush, fait que j'ai décidé de vous présenter mes 3 coups de cœur de Noël. Puis pour venir de l'année. Eh bien, c'est parce qu'on peut pas. Et Père Noël, il veut plus que je sorte. Il va tellement avoir des cadeaux à emballer. Mais ça a l'air que Xavier a réparé toute son auto. Fait que la semaine prochaine, il va pouvoir revenir avec nous. Mais c'est ça, peut-être que lui va être à jour. Peut-être qu'il va être finalement à l'heure. Peut-être plus tard aujourd'hui. On sait même pas s'il est supposé venir aujourd'hui. On n'a aucune idée. On vit dans le moment présent. Et je vous parle aujourd'hui, c'est 3 jeux que on a fabriqués, bien sûr, avec l'usine. Oui. Et ils ont les 3 gagné le prix de l'As d'or à Cannes 2017. Donc, fin de l'année 2017. Donc, 2018, des nouveaux jeux. L'As d'or, là, on dirait genre des jeux plates. Le l'As d'or. Je me lasse. L'as comme l'as de pique, là, ou l'as de cœur. Okay. Le premier, il s'appelle Cookie le Coucou. Cookie le Coucou, dans le fond, c'est lui qui a gagné dans la catégorie enfant. Mm-hmm. Cookie le Coucou, c'est un jeu. Dans le fond, quand on était jeune, on prend des bâtons, il ne faut pas faire bouger les autres. Vous vous rappelez de ça? Mm-hmm. On tire sur le bâton et il ne faut pas faire bouger les autres. Là, c'est le même concept, mais sur le dessus, il y a Kikou. Qui est assis sur le dessus d'un tube dans lequel il est inséré plein de bâtons. Mmh. Et le but, c'est de pas faire tomber Kikou dans le tube. C'est la même affaire que dans le fond, l'autre jeu, tu disais que c'est Kerplunk, je pense. C'était des petites billes qu'on mettait sur le dessus. Oui. Puis là, on a enlevé les petits spaghettis. Mais à la place d'avoir des billes, c'est un personnage qui ressemble à quoi? C'est une grosse flufluche avec des cocos. Une grosse... Les termes médicaux sont vraiment aussi... On dirait une poule. Une petite poule. OK, bon, une poule. Une petite poule avec des œufs. Je pense que Kikou est une poule. Ouais. Est-ce que vos poules au Pôle Nord sortent des œufs comme du lait de poule? Nous, on a travaillé avec le lapin de Pâques. Là, ceux qui ont déjà écouté sur les traces du Père Noël, vous l'avez déjà vu, là, le Ventum là, avec le lapin de Pâques. Nous, on travaille avec le lapin de Pâques, fait qu'ils s'organisent ses œufs. Père Noël, puis lui, ils ont leur deal là, mensuel d'œufs. Puis le lait de poule, il vient d'où, là? Aucune idée. On sait pas. Moi, j'ai aucune idée pourquoi il y a du lait de poule à Noël. Ça n'a aucun lien. Tu t'en après un shooter, là, tu sais. Je sais pas. Il y en a qui le congèlent puis qui le gardent à l'année. Qui congèlent. Ah. Et c'est un jeu qui joue à 2 à 5 joueurs. À partir de l'âge de 4 ans, pour les plus jeunes, c'est super le fun. Oui. Dans le temps de Noël, c'est un jeu qui se trouve quand même bien en magasin. Vous pouvez le commander. Et il est pas très cher. C'est un jeu quand même autour de 10, 15, des fois 20$. C'est dépendant du rush ou du rabais que vous allez l'avoir. Ouais. Il y a quand même une note de 9,8 sur 10 sur pas mal tous les sites pour enfants. Le seul jeu qui le dépasse, c'est Croque-Carotte, mais il y a des millions de votes Croque-Carotte. Oui, Croque-Carotte, on l'a tous déjà vu. Et vous savez qu'il y a des modifications qui ont été apportées à Croque-Carotte? Non. Non, je savais pas. Maintenant, il y a des nouveautés. Il y a un pont-levis. Oh, OK. Avant, il y avait seulement des trous. Quand tu tournais la carotte, il y avait des trous. Mm-hmm. Maintenant, il y a un pont-levis. Il y a aussi une catapulte. Donc, si ton lapin est sur la case catapulte et quand tu vires la carotte, il donne un coup, il revient à la case départ, mais il tombe à côté de la structure et tu le remets à la case départ. C'est ça, bon. Donc, il n'est pas perdu comme les autres dans le trou. La prochaine version va avoir une catapulte qui le renvoie littéralement à la première case. Avec des gaz et tout ça. Puis là, les enfants vont triper. Les effets spéciaux, de la fumée et tout ça. Donc, croque-carotte. L'autre, c'était Coucou le Coucou. Kikou le coucou. Okay. Maintenant, on voit dans quelque chose qui est quand même assez intéressant. Le deuxième jeu que je vous présente officiellement, c'est Unlock Espace Adventure. Mm-hmm. Comme on voit ça, les Escape Games. Ouais. C'est un jeu de stress out familial qui de 2 à 6 joueurs. Pour les 10 ans, ça dure une heure. Mm-hmm. Le principe du jeu, c'est simple, c'est de sortir nos personnages de la situation à l'aide de roulements de cartes et de dés. C'est un jeu coopératif et tout ça se passe à une heure. C'est un jeu qui a quand même une note de 8.70 par rapport à l'autre qui est quand même un petit peu plus faible, mais qui a quand même gagné l'As d'or dans la catégorie des jeux coopératifs. Ouais, cool. Maintenant, mon coup de cœur de l'année. personnellement. Oh, l'année! Il est offert en cadeau à quelqu'un que je connais, que je ne dirai pas. C'est Chocolatine. Sa copine. Ma copine. C'est cute. Parce qu'on a tellement trippé, pour vrai. Il vaut, OK, attention, vous pouvez boucher vos oreilles si vous êtes pauvre, 100 $. En version francophone, okay. 89 $ en version anglophone. Hein, okay. La traduction vaut vraiment cher dans les jeux de société. C'est normal parce que c'est des petites quantités. C'est ça. C'est pas comme les McDonald's où ils franchissent des millions de fois le même papier. Il faut savoir qu'il a gagné l'As d'or et là, une cote pour un jeu 4X, donc un jeu hyper complexe avec beaucoup de stratégie. La meilleure cote du marché en ce moment à 9.11. Oh, wow. C'est rare qu'on ait vu un jeu comme ça. Le dernier jeu qui a eu une cote aussi forte dans un jeu aussi gros, c'est Eclipse, il y a 3 ans, si je ne m'abuse, qui avait une cote aussi forte. C'est un 1 à 5 joueurs. Ça prend 12 ans pour y jouer. C'est un jeu de stratégie fine. Ça, c'est une longue partie. Hein? Ça prend combien de temps? 1 heure et demie. Okay. OK, pas 12 ans. Non. Alors, 12 ans, c'est l'heure minimum. À partir de 12 ans, okay. Oui. À partir de 12 ans. Et ça joue de 1 à 5 joueurs. Et c'est un jeu un peu à la Axine and Alliers, ceux qui ont déjà joué le risque évolué. Okay. On va travailler avec du monde des années 1820. Donc, on est des paysans et on veut conquérir les territoires et tout ça. Ça a été sorti le 17 juillet 2015, mais il a été long à mettre en vente parce que c'est un jeu qui valait cher et il y a un jeu qui était dur à mettre en œuvre. Ouais, le marché est quand même... difficile à percer, mais il a gagné l'As d'or cette année. Superbe jeu, si vous avez les moyens de le faire. Maintenant, je me permets une petite bifurcation pour mes deux petits jeux que je présente pour les parties de Noël. Oui. L'année passée, j'en avais fait 5 qui étaient passés en publicité avec le Lutinfo Campus. Absolument. Cette année, j'en fais seulement 2, puis on en reparlera si vous voulez qu'on les mette en publicité. Mm-hmm. Le premier, c'est un classique, là, vous allez sûrement vous passer, le Marshmo, où tu te mets une pastille de plastique dans la bouche pour que tu essaies de dire des drôles de phrases. Oui. Désinfectez-les partie, bien sûr. Le truc, c'est mettez-les pas au lave-vaisselle, par non, contre. Non, ça fond. Ça fond, ouais, ça brise. Et là, l'autre truc, c'est de pas enlever le dentier à grand-maman pour qu'elle y joue. Parce que ça... Il va se perdre tout seul, de toute façon. Elle va déjà le cracher dans la première partie. Ça va être beaucoup plus drôle. c'est un jeu qui est super le fun. C'est super divertissant. C'est ça le seul problème. C'est le nouveau buccal. C'est très difficile. Et le plus drôle, c'est de faire des phrases nous-mêmes. On peut les écrire et les améliorer. Oui, absolument. Et ce qui est le fun, c'est que quand tu finis par connaître les personnes avec qui tu joues, et tu commences à voir qu'est-ce qu'ils font pour remplacer certaines lettres. Parce que pour ceux qui n'ont pas essayé, c'est... C'est difficile. Ouais. Et finalement, c'est un vieux jeu, mais un très vieux jeu. Jumanji, non? Mais du temps des fêtes, je précise, du temps des fêtes. Mais il vaut vraiment la peine, puis il est de retour sur le marché depuis peu. Les échecs. Et il vaut la peine d'être fait pour un énorme party. OK. Tu sais, en 10 personnes, c'est drôle, mais à 50, c'est beaucoup plus drôle. Ah oui. Parce que ça limite la conversation. Ça s'appelle « Passe-moi un sapin ». Passe-moi un sapin, c'est simple. C'est un petit sapin de Noël sur lequel il y a 3 mots que tu dois faire dire à l'autre personne. Lorsqu'elle dit le mot, tu lui donnes le sapin et le but, c'est de passer tes sapins. Mais à un moment donné, tu te ramasses peut-être que tu as 5-6 sapins, donc 13 mots à faire dire et t'oublies des fois à donner tes cartes et tout ça. Et c'est un jeu qui ne demande pas d'être assis, il demande de la conversation, il force la conversation des fois à poser des questions. Tu sais, mettons que tu as le mot... Elvis. Mm-hmm. Ah, puis c'est vrai, cette tune-là, c'est qui chante ça? T'entends Elvis Presley. Ah, Elvis, oups, tu y passes la carte. Oh. Puis là, à un moment donné, la fille, elle oublie ça, puis là, elle entendait quelqu'un dire Elvis. Et le règlement, c'est qu'elle doit être conversation à 1 ou à 3 personnes. Mm-hmm. Donc, tu peux être jusqu'à 4 à parler de la même chose, mais c'est toi qui dois lui faire dire la phrase. C'est un jeu qui est super le fun, ça demande pas d'être assis. Les enfants peuvent jouer s'ils sont capables de parler, bien sûr, là. On s'attend que s'ils babouillent puis gagouillent, ben, ça vaut pas la peine. Mais à part de ça, ça vaut vraiment le coup de l'essayer. Wow. Passe-moi un sapin, ça vaut 20 $, 25 $ probablement là, dans les plus gros. Ça se réutilise à chaque année. Puis c'est toujours des belles parties. Puis à la fin, lui qui a le plus de sapin fait une conséquence déterminée par le groupe. Oh! Ouh. Oh! Voilà. C'est ça. C'était mon petit top des jeux avant Noël. On se revoit en 2018, peut-être par téléphone. Là. Nous, on va être en vacances, comme vous le savez, ben comme oui. L'année passée. Mm-hmm. Un petit bout, on va peut-être se parler par téléphone. Ça va coûter cher à l'interurbain, ça. C'est ça. Ouais. Je vais essayer de revenir faire peut-être des petits tours en studio si c'est possible, mais si c'est pas possible, je m'excuse. C'est pas grave, on va faire avec. Hein. OK. Alpha, Alpha, le lutin, merci. Là. Hey, merci à toi. On écoute une pièce qui a rapport avec le froid. Ah, ben oui. Est-ce que tu la vois venir? Pas du tout. Catherine Leduc. Voici Rien comme le froid à Assemblage Requis. Mille fois Catherine Leduc, avec rien comme le froid. Boum! Hein? Mm-hmm. Boum. toujours assemblage requis, maintenant c'est la chronique de Xavier Miklisch. La chronique de Xavier Miklisch. Une présentation de Xavier Miklisch. Juste seulement moi. Seulement moi. Hey! Je fais ce qu'il me veut. Le micro que vous m'avez offert, c'est fais ce que tu veux puis fais des conneries. Carte blanche. Et on avait déjà fait il y a quelques semaines une anecdote sur ce qui m'arrivait. Sur un palais de chasse. Oui, de chasse. Résume-nous ça en trois phrases. Je m'étais perdu dans le bois. J'ai passé une demi-heure couché dans la neige avec mon chum de chasse parce que deux arbres se couinaient ensemble et ils mettaient le bruit d'un chevreuil. Il pensait que c'était un chevreuil, mais c'était des arbres. C'était deux arbres. on a pas tiré, mais on a vu des arbres se couiner. Alors, c'est un peu ça qui se passe. J'ai un nouvel emploi. OK. J'ai changé d'emploi parce que ça marchait pas. L'autre place où j'étais, ben pas que ça marchait. Ça fonctionnait pas. C'était dans quel domaine avant? Avant, j'étais dans l'installation animation. OK. Oui. Puis là, je suis dans les banquets de Noël. Oh, cool. Ah, OK. OK. Et en fin de semaine, banquet brunch. C'est deux brunchs. Donc, j'ai travaillé en partant beaucoup trop pour ce que j'aurais dû faire. Parce que j'ai fait trois jours de deux nuits plus un matin, mais j'ai fait nuit matin. Fait que le matin en dernier, fait que j'ai pas dormi beaucoup. Mais quand tu commences, tu fais des sacrifices. Tu commences. Et tu fais des sacrifices. Et surtout que le temps des fêtes, hein, c'est un bout où tu dois avoir de l'argent. Donc, plus quand tu travailles. Si tu fais que des buffets de Noël, des banquets de Noël, c'est sûr que ça va être vraiment concentré juste là. Oui, oui. Puis après, ils sont fermés pour trois mois après où je travaille. Fait que c'est parfait pour moi. Trois mois? Qu'est-ce que tu fais à partir d'avril? Aucune idée. Ben, pas sûrement. Banquet de Pâques. Ben oui, un banquet de Pâques, c'est connu. Mais banquet de Pâques, déjeuner de Pâques. Et je vous compte deux petites scénettes qui se sont passées durant ma fin de semaine. Première scénette, tu sais, quand t'es nouveau, t'as pas toujours l'uniforme au complet du premier coup. Oui. Ouais. Ça arrive, et moi j'ai un polo bleu, et tout le monde a une chemise bleue et un petit débardeur noir. Ouais. Suite à la rencontre de Noël, ils ont déterminé que ça coûtait vraiment cher donner un débardeur noir à tous les nouveaux. Fait qu'on n'allait pas avoir le débardeur. Sachant pas si vous alliez être gardé après. Ouais, c'est ça. Mais pas nécessairement parce qu'on va être gardé, dans le sens où ça coûte vraiment cher, donc il n'y en aura plus. Et tous les nouveaux qui vont rentrer auront plus de débardeur. Mais je suis le premier de cette gamme-là à ne pas avoir de débardeur, mais j'ai tout le reste. Parce que les autres vont garder leur débardeur vu qu'ils l'ont déjà. Oui, c'est un droit acquis. Ben, ils peuvent ne plus le porter. Mais les autres qui ont le même poste que moi ne peuvent ne plus le porter. Tu comprends? Et cette journée-là, la loi, la règle est appliquée, mais tout le monde portait son débardeur sauf moi. Et non seulement je ne suis pas en chemise, mais je suis en polo. Mais j'ai quand même un plateau blanc avec mon ce qu'on appelle. Ça paraît que tu travailles là, mettons. Oui, c'est ça. Mais pas pour tout le monde. Sûrement pas, hein? Parce qu'il y a une petite madame, je suis là, je suis en train de ramasser les cuillères taille de saumon, parce que c'était des bouchées de taille de saumon. Et je dis, oh, c'est terminé ici? Puis elle dit, t'es qui, toi? Ben là, je suis comme, ben, ma job, c'est de vous aider. Je suis un mendiant, je veux le restant. Fait que là, elle me dit, tu travailles sûrement pas ici, t'es pas habillé comme les autres. Et j'ai remonté à la lampe, je dis, ben, en fait, oui, c'est juste que je suis un nouveau, fait que j'ai le nouveau kit, puis eux, ils ont le vieux kit. Ouais. Elle dit, ouais, mais vous êtes pas habillé pareil. J'étais comme, madame, je veux juste votre cuillère, je peux-tu passer? Sérieux, c'est une cuillère. C'est une cuillère. Et là, ça reste comme ça. Tu sais, ça reste comme ça, la petite madame. Elle me dit juste qu'elle pense pas que je travaille ici. Okay. Mais j'ai passé la soirée là. Durant l'after, il y a comme un after party. L'after banquet. Si tu veux. Ouais. Banquet plus en direct. C'est ça, exactement. Il y a un plus, il y a un DJ. La compagnie loue la salle, elle fait ce qu'elle veut après. Et la madame, elle vient me voir, la même madame, et elle me dit, t'as plus le droit d'être ici. Hey, reviens-en, là. Mais voilà. Je fais, ben, madame, je ramasse tes verres alcool. Elle dit, ouais, mais en bas de 18 ans. C'est vrai qu'elle a l'air d'avoir pas le droit de travailler avec de l'alcool, là. C'est illégal. Là, je fais, écoute, madame, en ce moment, je suis en train de ramasser les verres d'alcool dans parce que c'est une compagnie, une grosse compagnie, je dirais pas le nom. Mais je pense qu'ils savent si j'ai le droit ou pas de ramasser les verres vides sur les tables et de remplir de verser des bières dans des verres. Fait que la madame était vraiment insultée. Non seulement elle pensait que je travaillais pas là. Ben voyons. Non seulement elle a douté de mon âge et ça devant. Devant tout le monde, genre. C'est comme, je peux avoir tes cartes, savoir si tu peux ramasser mon verre de gin, le riz de limonade que je viens de vider puis il reste de la glace avec une lime dedans, t'sais. Et moi, ça m'a fait beaucoup rire. Ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai dit à la madame, gars, je te donne une excellente fin de soirée. Mais elle m'a bien typé. Elle a bien typé en général. C'était peut-être sa tactique de cruise. Écoute, alors qu'elle avait. C'est une cougar extra. Ouais, c'est cougar. Ça. C'est plus une cougar. C'est une puma, là. Une panthère. Dans le panthère. Écoute, c'est une madame de même où tu te demandes si elle va échapper son dentier ou son verre en premier. C'est ça. Oh, OK. Oui, c'est ça. Est-ce que tu es typique des Pepperman? Non. En argent Monopoly. En argent Monopoly. La deuxième wow. cette année. Tu peux pas battre ça, là. Oh, attends. OK, attends. Ça s'en vient. C'est ça, là. Écoute, je salue les parents. J'espère qu'ils viennent de la Mauricie puis qu'ils écoutent ces missions-là. Mais écoute, ça, là, faut être des génies. OK? Quand t'es un parent, tu vas devenir parent. Ouais. OK, on est d'accord? Les bébés, ils sont là, c'est un déjeuner, ils sont là pour une fête anniversaire d'un 60 ans de la grand-maman. Okay. Mm-hmm. Okay, 60 ans de la grand-maman. La mère a peut-être 25-26 ans, le père a peut-être 27-28, OK? Ouais. C'est logique, dans le 60 ans, calculer votre logique, là, vous dites que t'exagères, c'est logique. Et ils ont deux bébés naissants jumeaux habillés pareils. OK. OK? Mais débardeur très, noir. Très, très identiques. Oui. Ils ont le pyjama classique de chasse. Carré, okay. là, orange, là, hostageux, là. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont habillés pareil, ils sont bûcherons. Identiques, ouais. OK? Les deux jumeaux. Ils ont la barbe toute. Non, mais il faut que tu penses dans ta tête que les deux que bébés sont pas différenciables. Oui, OK. C'est ça qui est important. Fait que là, moi, je suis là, je suis au café, elle me ramasse ses assiettes, ça. Et à un moment donné, j'arrive à la table de madame et pas que j'écoute, mais elle parle. Ben oui, mais là. Et elle dit à la mère la phrase suivante. « C'est qui que j'ai dans les mains? » Et là, la mère répond « C'est bébé 2. » Okay. Bébé 2. Littéralement ou pas? Elle a utilisé son nom? Non, non. Bébé 2. Bébé 2. Elle dit « Ah, oh, vous l'avez pas encore nommé? » Attends. Et là, la phrase revient. « Non, on sait que l'autre, c'est Raphaël, mais lui, on y a pas trouvé de nom. » Dans ta tâche de parent, là, wow. du moment où tu vas à la première échographie, tu réalises que t'as deux bébés dans il ton... Il y avait un nom de gars, un nom de fille dans la tête. Mais c'est sûr. C'était Raphaël. Dans... C'était ouais, Raphaël. Mais... Il y avait un seul nom point dans l'histoire, là. Ah, c'est ouais. Raphaël parce que c'est les deux sexes, comment? Raphaël, gars, Raphaël, fille. Mais du moment où tu vas aux premières échographies, que t'as deux bébés dans ton ventre, tu dois trouver un deuxième prénom à ce bébé-là. La grand-mère, là, elle veut pas faire un cadeau de Noël à bébé 2. Lui, ses premiers baptistères, c'est quoi? Bébé 2, bébé 1, Raphaël. Tu sais, comme ça. Ça, t'es pas un robot. Mais ils ont pas dû être encore baptisés, ça doit être je pour ça. Je le souhaite qu'il est pas baptisé, pauvre. Je pense qu'elle a pas commandé sa carte d'assurance sociale parce qu'il y aura pas de nom dessus. Il a pas le droit, je pense. Non, je sais pas. Ouais. Au pire, appelle-le genre. Faut que t'aies un nom, là, pour mais une carte d'assurance. Mais il était pas vieux, les bébés. Il y a peut-être un mois, trois mois. Hein, quand même, un mois, un c'est mois. C'est long, un mois. Mais t'sais, il était assez. Tu sais, quand gros, mais quand t'arrives pas à dormir parce que l'enfant pleure tout le temps, là, ça tente c'est pas ça? Genre de réfléchir à un nom. Au lieu de dire « Ah, bébé, tais-toi! » Bébé 2, comment? Et moi, tout ce que j'ai pensé, c'est là que mon anecdote devient drôle, c'est qu'il devrait plus l'appeler Bébé 8. En okay. lien avec Star Wars. Il y avait le petit le R2-D2. Ah, ouais. J'ai fait une joke de Star Wars, tantôt, je suis un petit peu volé ta... Mais Bébé 8, c'est ouais. qui? Bon, ouais, ça serait plus drôle, au moins il y aurait un gag relié à ça. Mais pauvres parents, tu sais, pauvres grands-parents qui vont dans... quelques semaines, emballer leur cadeau pour Raphaël oui. et Bébé 2. Et non seulement ils sont pareils, mais ils ont pas de nom le deuxième. Tu peux même pas te dire lequel que j'ai. Lui qui a un nom ou lui qui a pas de nom. Tu sais, il y a plein de belles situations à vivre avec cette madame-là. Et je me suis dit, écoute, faut vraiment... Ils sont pareils, là, ils sont identiques, ouais. les bébés. Là. Parce qu'à un moment donné, tu les regardes. Ouais. Non, juste... Tu prends un nom qui fit avec, je sais pas, moi, Raphaël puis Gabriel. Ah ouais. Pas dur. Ou sinon, genre... Dominique. Dominique. Ou qu'est-ce qu'il y aurait d'autre avec deux? Non, mais... Gérard mais... Depardieu. Depardieu. Avec un trait d'union. Mais, il dort. Fait que dans le fond, en ce moment, ce bébé-là n'a pas de prénom. Non. Et ça m'a fait extrêmement rire de servir du café à cette dame-là. Puis toutes les fois que je passais, je me suis dit, lequel est bébé 2? Je me suis dit que je mettrais un charpie dans le front. Hein, deux. Tout est deux, tu sais. Et moi, c'est ça. Tu sais, quand tu vas à la garderie, tout est identifié à tes noms et tout... Ouais. Lui, je sais pas. C'est facile le chiffre 2, mais là, tu pourrais penser que c'est un 7. Ouais, mais là, c'est parce qu'il est ben trop jeune, il doit même pas aller à la garderie encore. Elle doit être à la maison. Non, non, j'espère qu'il va pas à la garderie. Moi, ça prendrait pas Junior, le nom du père Junior. Oh! Oh! Pas Junior 2. Mais c'est peut-être Raphaël. Ah, oh! Tu peut-être... sais pas. Oh! Ouais, ah. Que le père s'appelle Raphaël. Mais en tout cas, c'est mes deux petites anecdotes cocasses de la fin de semaine. Voyons donc que t'arrives ces affaires-là, toi. Ouais, c'est. Mais écoute, bébé 2, je capotais. Hey, on les salue. Ouais, j'espère qu'ils écoutent ces missions-là. Puis s'ils écoutent pas, mais tant pis pour eux parce que j'ai ri deux en onde un peu. C'est ça. Mais j'ai pas ri deux. Non, on n'a pas dit leur nom. De toute façon, c'est ça. Je sais même pas c'est qui. Je sais juste qu'ils ont été un 60e anniversaire dans un banquet de Noël. Ouais. Puis qu'il y a un bébé qui s'appelle Bébé 2 parce qu'ils ont pas trouvé le nom du deuxième. C'est ça. Quand tu l'as reçu là. Quand c'est des jumeaux. En partant, s'il y avait un décalage, tu sais, mettons, tu as eu ton premier il y a trois ans, il s'appelle Raphaël. Deuxième, on a pas. Non, non, des jumeaux. On a trouvé un sur deux. 50% de la job est faite. Tu sais, il me semble, tes prénoms, t'as tout le temps un top 3, il me semble. Ouais, c'est vrai. Parents, il me semble. Je sais pas. pour au moins l'éventualité d'avoir une naissance. Dans les choses qui n'étaient pas prêtes à avoir des jumeaux, ça c'est certain. C'est sûr. C'est sûr. Ça prend par surprise. Quand tu leur as servi leur café, est-ce que tu as dit genre, est-ce que vous prenez bébé deux laits, deux sucres? Ben, elle voulait peut-être pas savoir le sexe des bébés aussi, fait que peut-être que ça l'a porté à la confusion. Lorsqu'elle a accouché. Peut-être qu'elle s'est pas adaptée au fait qu'elle avait des jumeaux point, tu sais. Peut-être. Peut-être qu'elle voulait pas. Moi, j'imagine, elle pensait qu'elle sortirait pas. Elle a une Yaris, puis là, elle se ramasse à mettre deux coquilles là-dedans. Finalement, elle en met un sur le top, c'est bébé 2. C'est bébé 2. Faut qu'elle mette sur le top, elle a pas de place dans son char ou la rentrée. Waouh! Est-ce qu'on parle un peu d'impro? Hey, ben oui, parlons d'impro. Cette semaine, l'avant-dernier match avant la pause du temps des fêtes, en ce 4 décembre, gratuitement à la Chasse-Galerie, pour voir les Bleus. Moi, Xavier Miklich. Sans le café, oui. Avec ton... avec, ouais, je vais t'habiller en bleu, ouais. C'est ça, bleu tout le temps. Magali Brousseau-Arcan, Jolie Antoine. Et le dernier match à la Luître cette année pour toute l'année scolaire de Jonathan Picard. Ah, triste, ouais, j'ai vu ça. Qui nous quitte pour officiellement l'Abitibi-Témiscamingue pour son internat en loisirs. Il va être remplacé par qui, un substitut? Raphaël Jutras après Noël. Cool. Aussi appelé Motard avec Barbarousse. C'est ça, oui. Barbarousse. J'avoue qu'il y a comme une petite ressemblance entre les deux, donc déjà, le public ne sera pas perdu. Il n'est pas perdu. Bon. Ça va être au niveau des cheveux que ça va se perdre. C'est ça, c'est bébé 1, bébé 2. On va l'appeler bébé 2. Bébé 2. Bébé 2. On s'appelle Raphaël en plus, pareil comme l'autre. Raphaël et bébé 2. ce soir avec les Oranges, ça va être vraiment comédie musicale, théâtre, théâtreux. Puisque Alexis Roy, le substitut, remplace Julien Lavertu-Martel, première étape. Mm-hmm. Donc, Alexis Roy, le substitut, Marc-André Marion Flamand, Stéphanie Belzile et Alexandrine Pichessa, la capitaine. Mm-hmm. Ça va être un match d'un côté très conceptuel, donc des concepts un peu loufoques côté, et l'autre côté théâtral, avec des matchs, des belles mix habituellement qui se construisent bien dans ces deux équipes-là. Les premiers matchs de ces équipes-là ont été très, très, très bons. Et tout le monde va être vraiment dedans parce que, bon, tu te poses d'études en même temps avec la fin de session. Oui. Tu vas décrocher pour aller jouer à l'impro. Moi, je pense qu'ils vont vraiment se donner. Ça va être super le fun. Mais moi, je pense que je vais. Cette semaine, je me sens craqué même si je suis enrhumé. Oui. Ah, on ne se paraît pas. Oui, mais c'est ça. Hein? C'est un rôle d'acteur, tu sais, c'est sûr. Hein? Je reniflerai ça, ben, pas en onde. Ah ben non, non. On fait pas ça, nous. Puis c'est arbitré par Vincent Rainville encore une fois cette semaine, ce match-là. Ça fait deux fois qu'il arbitre orange bleu, si je m'abuse. Oui, ben oui, puis on le voit, pas qu'on le voit pas souvent, mais vu que trois arbitres, on a tendance à pas les voir. Ça prend un petit bout de temps avant qu'on les revoie. Mm-hmm. Mais ça va être le fun, c'est ce soir 20h à la Chasse-Galerie. C'est gratuit. Absolument. Fait que amusez-vous. Soyez-y, on va être là, moi. Tu vas être là? Moi, je vais être là, je joue. Cool, mais moi j'anime. Parfait. Mais OK. Tag team. Eh bien, à ce soir. À ce soir. Merci, Xavier Miklich. Oh, que oui. On est rendu à prendre une pause. Au retour, les instructions d'assemblage. Oh, que oui. Aujourd'hui. C'est fou 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Dernière demi-heure de l'Assemblage Wiki, en ce lundi matin, 4 décembre 2017, avec Tania Baudin. Et Mathieu Blonde. Jusqu'à la dernière seconde, on a placoté avec Xavier Miklich. Il s'en passe tellement des affaires dans sa vie. Mais oui. Il y a des anecdotes pour plein d'années, mais là, on perd. Mm-hmm. En même temps qu'Alfalfa, comment est-ce qu'on peut perdre deux chroniqueurs de qualité comme ça dans les mêmes environnements de date? Je ne pourrais te dire. Il y a quelque chose derrière ça. On écoute La peur des animaux de Fria Moeras. Et après ça, on se fait les instructions d'assemblage. On va se dire comment vivre. Ben oui. Tu m'effraies, tu es con. Dia Mueras avec la peur des animaux ce matin. Tu t'inspires de ma prononciation. Sûrement qu'il faut même pas le prononcer comme ça. Ben, non, je sais pas. Là, en tout cas, ça sonne de même. Parce que sinon, Fria Muera, là. Ouais, ça sonne moyen. On s'entend que c'est moins beau. Bref, maintenant, on va se dire un petit peu comment vivre l'un l'autre. Voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. C'est les instructions d'assemblage où on doit suivre les étapes de la vie. Commençons par toi qui n'as pas le téléphone cellulaire en ce moment, Tania, parce que tu l'as perdu dans un autobus, pour ceux qui n'étaient pas avec nous tantôt. Tu regardes YouTube des fois? Oui, ben oui. Ben ouais, ça arrive à tout le monde. Hein? Exactement. Tu arrives des fois sur une vidéo, tu peux pas la regarder parce qu'elle est bloquée dans ton pays. Oui, ben oui. C'est frustrant. Très. Très frustrant. Ben, y a une extension pour Chrome qui s'appelle « Fuck YouTube ». Qui débloque les vidéos qui sont bloquées régionalement. D'accord. C'est le fun, hein? C'est merveilleux. Extension évidemment gratuite, fuck YouTube, avec une petite étoile à la place du U. C'est selon The Next Web, on peut regarder des vidéos qui sont bloquées dans toutes les régions du monde. Tout ce qu'on a à faire, c'est copier-coller une URL, une adresse d'une vidéo YouTube, et à la place d'avoir un message vous disant que c'est pas disponible, vous allez voir l'extension essayer de débloquer la vidéo. On attend quelques petites secondes et ça fonctionne. Même pas besoin de rafraîchir la page, l'extension va juste charger la vidéo débloquée. Une très très bonne façon pour voir un paquet de vidéoclips sur YouTube. Et c'est sûr que c'est pas parfait. On dit que ça peut seulement te permettre de regarder des vidéos si tu as déjà le lien. Tu pourras pas chercher des vidéos qui sont bloquées. Tu vas pouvoir prendre ta vidéo bloquée et le copier-coller le lien seulement. Ensuite, est-ce que tu as entendu probablement parler en fait de l'histoire de Matt Lauer, l'animateur du Today Show, qui a été renvoyé pour encore d'autres plaintes d'inconduite sexuelle? Il y en a d'autres qui sont sorties depuis la semaine passée quand c'est arrivé. Et une des choses les plus remarquables dans les articles qui sont sortis par rapport à Matt Lauer, qui est un petit peu l'équivalent d'un Gino Chouinard américain, là, le Today Show, bref, c'est que dans son bureau, il y avait un bouton qui pouvait barrer la porte à distance sans avoir à se lever. Hein? Donc, il pouvait faire, présumément, les allégations disent, des trucs avec des collègues de travail en situation d'autorité, lui, contre elle. Et après ça, quand il arrivait quelque chose, ben, il pouvait juste bloquer la porte et faire ce qu'il avait à faire de façon tout le plus croche. Mais savais-tu que c'est assez commun d'avoir un bouton pour barrer sa porte? Ça vient avec un statut haut placé dans les compagnies de tout ce qui est médias. Apparemment que c'est assez commun d'avoir un bouton dans son bureau comme ça. Bref, il y a bien des gens dans les articles, dans les commentaires qui disaient, mais là, voyons donc, NBC devait savoir, le réseau derrière le Today Show, devait savoir qu'il y avait quelque chose de louche si le gars se faisait installer ça. Mais apparemment, non, on peut juste en acheter un sur Amazon. Donc on peut acheter, il y a plusieurs exemples dans l'article sur assemblagerequis.com. C'est assez commun dans certains bureaux pour que les gens puissent, s'ils sont en réunion ou en train de travailler ou de faire un appel important qu'ils ne veulent pas avoir à se lever, ils peuvent juste barrer la porte avec un bouton en dessous. Donc vous pouvez en acheter un si vous voulez. C'est sur le lien sur assemblagerequis.com. Juste comme ça, pourquoi pas? Ben oui. Ensuite, on nous dit, des fois on se fait livrer un paquet, on a déjà parlé de ça à l'émission, le paquet peut être endommagé, des fois ils vont vous laisser un carton à la place de le laisser à la vue, des fois ils vont pas faire attention, on sait, les compagnies, des fois font pas attention. On vous suggère de dessiner des petits dessins cute et mettre des autocollants sur la boîte pour s'assurer que le paquet soit livré correctement. Pour que ça ait l'air d'un cadeau par un enfant. Emballe-le, mettons. Peut-être, ouais, c'est ça. Bref, la saison des fêtes qui commence là, et c'est un ancien trieur de paquets qui a dit sur Reddit que les paquets qui ont un autocollant fragile sont souvent traités pareil comme les boîtes qui n'ont pas d'autocollant fragile. Donc, les trieurs, répartiteurs, livreurs ne vont pas faire attention à ce qui est écrit fragile. Si tu veux donner une meilleure chance à ton paquet d'arriver de façon sécuritaire, on ajoute un petit peu de quelque chose d'enfantin. Des autocollants, des petits bonhommes de neige, je sais pas trop quoi, des messages écrits à la main. Et si c'est marqué genre « Je t'aime, grand-maman » en crayon de cire dessus et des petits collants partout, moins de chance que le livreur va violenter ton paquet. Violenter ton paquet. Hein? Faites attention, et puis c'est ça. Ensuite, on nous dit d'arrêter de mettre notre fromage dans un emballage plastique, dans une pellicule plastique. Mm-hmm. On parle de nourriture un petit peu, hein? C'est assez facile de s'exciter devant le comptoir à fromage quand t'es pas intolérant au lactose comme nous deux. Oui. Et on s'achète plein de sortes de fromages. En fait, j'ai même vu une publicité, vous avez peut-être vu aussi, la publicité des fromages d'ici qui a circulé sur Internet où le gars enlève tous les fromages qui sont pas québécois. C'est ça? Ouais, il enlève tous les fromages importés et là demande aux gens qui sortent de l'épicerie, puis qu'est-ce que ça vous a fait que les fromages importés soient partis? Ouais. Tout le monde dit, ben c'est pas grave. C'est parfait, on a assez de fromage ici. Mm-hmm. Ils sont même pas rendus compte. Et là, la madame dit, ben regarde, j'ai un sac complet de fromage du Québec de bord dans ma main. Fait que ça marche bien gros le fromage. Apparemment, les gens en achètent par sac. C'est clair. Mais bon, on dit que le fromage doit être gardé à bonne température et on doit pas le mettre directement dans du plastique. Ah? On dit qu'il faut le laisser respirer. Okay. Faut pas les suffoquer parce que ça va empêcher l'humidité de sortir, ce qui peut mener à un fromage humide et ça peut ajouter une saveur plastique un petit peu à votre fromage. Mm-hmm. Donc on nous dit que pour avoir le meilleur environnement pour commencer, il faut le sortir de son emballage d'origine. Donc enlever le plastique dans lequel il était emballé. Si ça vient enveloppé dans un papier à fromage, vous pouvez le laisser là. Et un papier à fromage spécial, je connais absolument pas ça, mais bon. Et on dit qu'on peut le mettre. Attention, qu'est-ce que ça dit ici? On enveloppe dans du papier parchemin avec du papier collant de déménagement, tu sais, de déménageur. Mmh. Du papier collant bleu ou vert, dépendant. Et on étiquette avec le nom du fromage dessus et la date de l'achat. Ah, ça simplifie les choses. Donc, papier parchemin. Génial, ça? Bonne idée. Pas pire. Ensuite, la bonne façon de mettre son papier de toilette. Est-ce que tu mets le papier de toilette avec le rouleau, avec, comment dire, le papier devant? Le bout dessus ou le bout dessous? Hein? Je regarde pas vraiment ça, honnêtement. Pour vrai? Ouais. Ben voyons donc. Ben, je suis désolée. Mais rappelle-toi, là, est-ce que tu frôles le mur avec ta main quand tu passes ton... Hein? Est-ce que tu frôles ta main contre le mur quand tu essaies de prendre le papier parce qu'il est contre le mur? Ben, c'est pas contre le mur. Ah, bon, ouais. Ça compte pas. Ouais, je suis désolée. Okay. J'avoue que si c'est libre à l'air comme ça, ça paraît un petit peu moins que quand c'est contre un mur où là, tu dois vraiment frotter ta main contre le mur. C'est pour ça que moi, j'aime bien le papier par-dessus. Bon, bref, comment est-ce que vous installez votre papier de toilette? C'est une question qu'on se demande depuis longtemps. Hein? Ça définit peut-être même ta personnalité, donc ça veut dire que t'as pas de personnalité. Hein? Selon une étude de l'Université du Colorado, la bonne façon est de faire que... de le mettre par-dessus, de le mettre sur le dessus, c'est ça? Le papier, oui. Le papier doit être sur le dessus. Comme ça, tu vas seulement toucher le papier de toilette que tu vas utiliser. Okay. Tu comprends que si tu mets le papier avec le bout en dessous, tu vas toucher au rouleau. Et c'est pas le fun pour les autres. Hein? On dit surtout dans les salles de bain publiques qui sont les rouleaux remplis de bactéries. Ah. Donc, si tu vas avec la méthode par en dessous, il y a une très bonne chance que ta main va toucher au mur. Ah, j'avais parlé du mur tantôt. Quand tu vas aller chercher quelques carrés, ça pourrait faire que tu vas laisser des bactéries sur le mur ou prendre les bactéries sur le mur et les mettre sur ta main. Donc, avec la méthode par dessus, tu vas éviter le mur complètement et tu vas prendre le papier dont tu as besoin. Hein? Et si tu réussis à mettre des bactéries sur tes mains, tu dois les laver très très longtemps pour enlever les saletés. On a déjà parlé dans une autre chronique, je crois, que c'était 45 secondes, si je me rappelle bien. Dans l'article ici, on dit 20 secondes, mais c'est pas assez. On vous suggère de chanter « Bonne fête » deux fois, au moins, en vous lavant les mains. Comme ça, vous allez avoir rempli votre temps correctement. Ensuite, quand tu as un animal de compagnie, peut-être as-tu remarqué, surtout l'été, un peu moins l'hiver, mais quand même, qu'il y a des fois des fourmis dans le bol de nourriture de ton chien ou de ton chat. Ah, non, j'ai... Ben, en tout cas, pas le mien. Non, mais ça m'est déjà arrivé. Effectivement, j'avais beaucoup de fourmis les deux derniers étés dans mon appartement chaud et humide. Bah, bref, hein. Il y a des façons de faire pour pas qu'il y ait de fourmis dans votre nourriture. Mm-hmm. On dit donc que la nourriture pour animaux, ça attire les pestes. Hein? Et si vous avez un animal de compagnie qui ne mange pas sa nourriture en quelques instants, comme un chien, des fois, un chien, ça va vider son bol d'une shot, donc il n'y a pas vraiment de problème de fourmis. Si vous laissez de la nourriture là, ben, il va peut-être y en avoir. Et un utilisateur de Imgur, c'est un site d'hébergement d'images, a récemment posté une façon unique d'éviter la situation, c'est de mettre votre bol de nourriture dans un autre bol rempli d'eau. J'avais déjà lu ce conseil-là, je l'ai même fait moi-même, et en effet, ça fonctionne très bien. Ça fait une barrière de protection entre le bol extérieur et le bol de l'intérieur, parce que quand les fourmis vont monter, ils vont se noyer dans l'eau. Ha ha ha ha! Ça vous apprendra! C'est vrai? Donc, c'est un problème quand même temporaire, mais une solution rapide, jusqu'à temps que vous passiez le petit push-push à fourmis. Hein? Mm-hmm. Ensuite, on nous dit de faire attention si quelqu'un vous bloque sur Twitter, vous allez perdre votre historique de messages directs avec eux. Attends, répète. Si quelqu'un vous bloque sur Twitter, ouais, ça va effacer l'historique de vos messages directs, vos direct messages, mm-hmm, les messages personnels de l'un à l'autre. Ça efface, ah, okay, tout ça. Donc, l'outil de blocage de Twitter est super puissant. Comparé à tu peux faire mute aussi. Tu peux faire des mute d'une personne pour pas voir ses tweets sur ton timeline. Mais tu peux aussi bloquer. Et bloquer, ça enlève tout. Donc, ils peuvent plus voir tes tweets. Tu peux plus voir les leurs. Vous allez vous dessuivre l'un l'autre. S'ils essaient de voir votre profil, ils vont voir que vous l'avez bloqué. Ça écrit « telle personne vous a bloqué ». Et ils peuvent pas vous envoyer de messages directs. Mais en plus de ça, ça enlève tout l'historique de votre tweet fight ou peu importe ce que vous avez, la chicane que vous avez fait avec cette personne-là. Donc, ça enlève absolument tout. Et justement, si vous voulez avoir des preuves contre la personne qui a eu de la violence, ben pas verbale, mais écrite, mm-hmm, ou qui a eu des menaces de mort ou peu importe, il faut prendre des captures d'écran avant que la personne vous bloque ou avant de les bloquer parce que sinon, ça efface les messages. Faites attention. Voilà. Ensuite de ça, allons-y avec un autre petit conseil. C'est la règle des trois pour identifier les gens que vous devriez éviter dans la vie. Des fois, c'est difficile de savoir. Tu sais, bon, tu te dis, OK, bon, je vais continuer de, bon, être poli avec cette personne-là. Des fois que ça pourrait m'amener quelque chose, je sais pas trop quoi. Et des fois, ben, ça peut faire que tu vas, la personne va profiter de toi. Voilà. Donc, c'est un site qui s'appelle Barking Up the Wrong Tree qui nous explique que certaines personnes sont trop toxiques et que vous devriez même pas les inclure dans votre vie. Mais tu devrais pas étiqueter tout le monde qui commet quelque chose contre toi, peu importe le degré. Vous devriez pas dire que tout le monde est toxique parce que sinon, vous allez commencer à perdre des gens qui pourraient devenir des amis, nous dit-on. Donc, à la place, on devrait appliquer la règle des trois pour identifier les mauvais comportements et leur personnalité. Hein? Si, par exemple, ils vous mentent ou vous laissent tomber une fois, c'est peut-être juste un coup de malchance, mais si ça arrive plusieurs fois, ben, ça devient un pattern, hein? Selon la psychologue à Harvard, Martha Stout. Donc, un mensonge, une promesse non tenue, une responsabilité négligée, ça pourrait être un malentendu, ça pourrait être juste un petit problème. Une fois, il y a une excuse derrière ça. Deux, ça pourrait être une erreur sérieuse. Et trois, ça veut dire que la personne a une prise contre elle, donc une prise, que ce soit le mensonge, que ce soit, je sais pas, te dire quelque chose, comment dire, une mauvaise excuse ou un mensonge, quelque chose de mensonge, bref, comme ça. Donc, ça pourrait être, à la place d'être une exception à la règle, ce serait la règle en tant que telle. Donc, après trois fois, on abandonne la relation avec cette personne. Ensuite, on conseille un petit site web qui s'appelle Time Your Web, qui va surveiller et analyser la durée que tu passes sur chaque site web. En fait, c'est une extension Chrome. Il y a plusieurs sites pour ça, il y a plusieurs applications, plusieurs extensions pour ça. Mais ici, Time Your Web est un des plus simples selon lifehacker.com. Extension gratuite sans même besoin de se connecter. Et ça vient avec un beau petit tableau. Donc, Time Your Web a plusieurs façons de vous dire comment vous passez votre temps. Pendant que vous êtes sur une page web, l'extension, l'icône de l'extension dans votre barre d'outils va vous montrer le temps que ça fait que tu as été sur cet onglet-là. Et tu peux voir donc combien de temps tu perds en temps réel. Déjà très pratique pour te rendre compte que ça fait peut-être 20 minutes que tu es sur Facebook. Et pour l'analyse à long terme, il y a plusieurs modes. Il y a un mode sommaire qui va donner une vue au sens large du temps que tu passes par jour, par semaine ou par mois. T'as le stacked bar qui te montre les sites en tant que tels qui prennent le plus de temps dans une même journée. Et t'as le mode flow qui est un mode détaillé où ça te dit minute par minute sur quel site t'étais, séparé par heure. Donc, si t'es quelqu'un qui est pigiste ou quelque chose comme ça et que t'as besoin de savoir sur quel site web t'es allé ou quel case horaire t'étais plus libre ou quelque chose comme ça, je sais pas. Donc, ça pourrait te dire justement quand est-ce que tu travaillais, quand est-ce que tu travaillais pas sur quelque chose. Ça pourrait être utile pour bien des gens. Donc, Time Your Web, extension Chrome. Ensuite, on a des cartons d'allergies traduits pour rendre tes voyages un petit peu plus simples. Si t'as une allergie, par exemple, aux arachides ou aux produits laitiers ou peu importe, quelque chose comme ça, et que tu vas dans un autre pays en voyage, ben, tu pourras avoir de la misère à exprimer ton allergie. Hein? Ouais. Donc, ce sont des petites cartes traduites, format de poche, qui vont montrer aux gens du restaurant, que vous allez pouvoir montrer aux gens du restaurant. Oui, ça va être un petit peu moins stressant. Donc, t'as deux options. L'option, bien sûr, à faire soi-même, ou sinon l'option où tu achètes des cartes du site Select Wisely. C'est sur assemblagerequis.com que vous pouvez retrouver le lien. Plus facile, avec une grande variété de cartes médicales, de cartes d'allergie en différentes langues, pour vraiment pas pouvoir gaffer du tout. Si tu fais des cartes par toi-même, évidemment, faut faire attention pour s'assurer que ta traduction soit exacte et compréhensible, pas juste du Google Translate. Bref, les cartes sont sur des formats cartes index, les petits cartons qu'on utilise pour les oraux en tant que tels, entre autres. Donc, c'est des allergies alimentaires illustrées avec une photo. Tu peux avoir le nom de ton médecin, les informations de contact, ta compagnie d'assurance, etc., etc. Donc, tu pourrais quand même faire quelque chose avec ça, pas mal. Selectwisely.com est l'adresse. Justement, parlant de nourriture, comment parler de nourriture peut affecter ton profil de dating sur une application Tinder ou peu importe? Donc, les gens aiment la nourriture et les gens aiment plus ta personne ou ton profil quand tu mentionnes la nourriture dans ton profil. Okay. Selon les données d'un des grands sites de dating, il y a des nourritures que tu devrais mentionner et d'autres que tu devrais éviter. Donc, c'est l'application Zoosk, Z-O-O-S-K, qui a analysé plus de 3,7 millions de profils de dating et plus de 364 millions de premiers messages, donc les messages qui brisent la glace, en plus d'avoir parlé à 7000 célibataires pour voir comment ça affectait leur interaction sur l'application de dating. Bon, donc, la nourriture a un grand effet. On dit que c'est environ... qu'est-ce que tu devrais mentionner? Oui, c'est ça. Donc, tu devrais mentionner guacamole, des avocats, patates, chocolat, salade et sushi. C'était plus de premiers messages qui ont eu lieu après avoir mentionné ça. Et sinon, du côté des choses que tu ne devrais pas mentionner, on parle des yams. Ça ressemble à une genre de patate, cette histoire-là. Ça a un nom en français. Je vous sors ça dans une seconde. On parle de ignam. C'est de la patate douce. Okay. De la patate douce, on appelle ça aussi un ignam, j'avais aucune idée. Bref, on ne mentionne pas les patates douces sur un profil de dating. Ok. On dit que les pires nourritures à manger en date, en rendez-vous, ce serait des albuflo, des côtes levées, de l'indien et tout ce qui est difficile à prononcer. Donc j'imagine que c'est aussi ce qui salit le plus, hein, les ailes piquantes et les côtes levées. Donc pas de trucs qui font des dégâts. On suggère de manger des fruits de mer, du steak, du mexicain, des pâtes et du sushi. Des sushis, oui. Oh. Pour la première date. Voilà. Cool quand même à savoir. Mm-hmm. Et on va arrêter là-dessus parce qu'on a l'émission après nous aujourd'hui. Oui, exactement. Donc, les instructions d'assemblage, les liens sont sur les notes de l'émission numéro 1166 sur assemblagerequis.com. Ça va être la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci à Alicia Lemieux qui nous a fait sa superbe chronique éco-responsable. Merci à Xavier McLeish ainsi qu'à Alpha Alpha le Lutin pour leurs chroniques respectives, la chronique et les jeux de société, jeux de table. Demain l'émission, on sera mardi. On va avoir Dominique Notte-Mabungu qui va être de retour pour sa chronique Voix d'Afrique. À 9h, Jimmy Thibodeau va être là pour Gauchère Bévue. Et puis Sport et Filoché pour terminer l'émission avec Marc-Olivier Dumas. Sur nos ondes, les sus mentionnés, mais S-U-C-E mentionnés. C'est Full Sexe. Ça en vient à partir de 10h. Ensuite, en rappel, c'est Dans ta face à midi. Aussi en rappel, Rock Classique à partir de 13h. Et puis en direct ce soir, on a Rock de Neurone avec exactement. Du rock progressif. Sif.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Merci beaucoup Tania Baudin. Merci à toi Mathieu Plante. On va passer les bons deux tiers d'émission après être remis de ta péripétie de cadran. Oh boy, hein? Elle perd son portefeuille, perd son téléphone et le cadran qu'elle a acheté marche pas. Tout allait mal cette fin de semaine. Ça commence bien cette semaine, là, je trouve. Ouais. Bref, on se quitte avec Slaughter Beach Dog. Et je te la dédie parce que sans toi, la première heure a été difficile. Donc c'est Acolyte qu'on écoute et on se retrouve demain 7h. Hey, bon café tout le monde! Bonne journée! Four. Get out of Ohio, feeling short on time. Eyeball your inheritance, dead stare at the bar. Put back one more, stumble under the stars. We could fly to Ireland, you know I'm good for the ticket. Try to smirk, but you're smiling. No, I'll stick with it. Annie, I want you to marry me. We'll wait a few years. I don't mean to frighten you. I just wanna be clear.